Radio Debout. Radio Debout, Saint-Denis. Saint-Denis, ouais, ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Debout. De nuit debout sur la place de la République de Paris à celle de la ville de Saint-Denis, il n'y a qu'un pas ou quelques stations de métro que Radio Debout se permet de franchir avec grand plaisir. Ce soir, en ce 86 mars, vous l'avez compris, nous émettons donc en direct du parvis de la basilique de Saint-Denis, cette basilique fameuse où se trouvent pas mal des tombes des rois et reines de France dépouillées pendant la Révolution française, cette même révolution qui a établi la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, proclamer l'égalité des citoyens devant la loi, la souveraineté du peuple, ses libertés fondamentales et sa résistance à l'oppression. Des acquis plus que centenaires que partout en France, les Nuits Debout, les manifestants contre la loi travail, les grévistes, les bloqueurs revendiquent, se réapproprient et réaffirment. Ce soir sur Radio Debout, en direct de Saint-Denis, donc nous recevrons les adhérents du GEM, le groupe d'entraide mutuelle de la ville. Le GEM, c'est un lieu d'accueil et d'activité pour les personnes souffrant de troubles psychiques. Les adhérents du GEM de Saint-Denis animent aussi l'émission Bruit de couloir sur Radio Fréquence Paris Pluriel. Ce sera aussi l'occasion de faire un point sur la psychiatrie à Saint-Denis. On parlera ensuite de l'enquête stigmatisante du journal Figaro de vendredi dernier sur la ville de Saint-Denis qui compare la ville à un Molenbeek sur Seine. Et enfin, on recevra aussi Louise, une institutrice du membre... Une membre du collectif Pas d'enfants à la rue qui viendra nous parler de l'éducation et du mal logement à Saint-Denis. Et puis ce sera Mathilde de Fréquence Paris Pluriel qui va prendre le relais à 21h30 pour présenter la suite de l'émission. On commence cette nouvelle émission Radio Debout à Saint-Denis avec Abdou qui va venir nous parler de la situation des Comoriens sur l'île de Mayotte. Bonjour Abdou. Oui, bonjour. Alors tu vas nous lire un petit texte, un appel qui a été lancé pour protester contre la situation des Comoriens sur l'île de Mayotte. Exactement, il y a un collectif de défense de l'intégrité de la souveraineté des Comores, dont fait partie plusieurs organisations comoriennes, dont SOS Démocratie Comore, CAC, CRITAC et voilà, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, exactement, l'Association comorienne des droits de l'homme également, qui ont publié un texte avec le titre « Qui frappe, qui flash, Mayotte, rafle et ratonnade à la française ». Rafle, vous savez, c'est un mot très fort qui nous rappelle la Deuxième Guerre mondiale, qui nous rappelle le fascisme et le nazisme. Mais bon, pour cette fois, dans Nuit Debout, il y a un appel voilà, des Comoriens, des Amis des Comores, pour dénoncer ce qui se passe à Mayotte et les autorités françaises coupables et les autorités comoriennes complices. Donc je vais lire rapidement le texte qui va vous éclairer ou clarifier sur ce qui se passe à Mayotte. Depuis longtemps, mais plus particulièrement ces derniers temps, les résidents maorais qui ont eu le malheur d'être originaires des trois îles sœurs comoriennes, sont en train de vivre, à l'instigation de certains Maorais, un calvaire innommable, empreint de haine et de xénophobie. C'est ainsi que vendredi dernier, avant les graves, je cite, « décasages perpétrés depuis », on comptabilise aux abords de l'Office du tourisme de Mamoudzou. Mamoudzou, c'est le chef-lieu de Mayotte. Près de 740 sans-abri, au nombre desquels on compte 480 personnes de nationalité française, 150 en situation régulière détentrice de cartes de séjour, 70 personnes en cours de régulation et seulement 40 personnes considérées comme clandestins par l'administration française. Il faut noter que toutes ces expéditions punitives exécutées sous l'œil complice de forces de sécurité françaises après un battage soutenu par les médias dignes de, je cite, Radio 1000 Collines, ça nous rappelle le Rwanda, touche sans distinction aussi bien les Comoriens, vieillards, malades, femmes et enfants originaires des autres îles indépendamment de leur statut que les honnêtes logeurs fussent-ils maorés. Est-ce sans que le pays, je cite de la Déclaration des droits de l'homme, entendez par là la France, soutenu par un blackout implacable de ces grands médias ne pipe. Bon, le tout dans un silence assourdissant des autorités comoriennes en exercice et futur. Les forces d'occupation françaises qui ont pour habitude de courser les Comoriens non originaires de Mayotte à travers Rouelle, Mont et Vaux ne peuvent que se réjouir de pouvoir venir se servir à volonté dans ces réservoirs, je cite, de clandestins en divagation sur les trottoirs de Mayotte. Le reste n'est que routine depuis des décennies, arrestations arbitraires suivies dans la foulée d'expulsions manu militari au mépris des lois françaises et en violation des droits de l'homme. Toutes ces infractions de plus en plus récurrentes, pourtant sévèrement réprimées dans un état de droit, restent jusqu'ici impunies à Mayotte sous occupation française. Et les originaires des Comores des trois autres îles sont abandonnés à leur triste sort, sacrifiés par les autorités comoriennes sur l'autel, je cite, des bonnes relations franco-comoriennes. On aurait pourtant espéré que le président comorien érigé par la constitution comorienne en, je cite, symbole de l'unité nationale et en garant de l'intangibilité des frontières telles qu'internationalement reconnues ainsi que de la souveraineté de l'Union. Fin de citation. Je rappelle que l'Union des Comores est reconnue par les Nations Unies comme étant composée de 4 îles, y compris Mayotte. Mais le président comorien choisit une sortie digne. Au lieu de choisir une sortie digne à la hauteur de la situation, force est de reconnaître que ni lui, ni son successeur qui va prendre la place demain, ne manifestent aucune compassion ou réaction de sympathie à l'égard des victimes passées ou présentes, de peur de froisser leurs contempteurs de toujours. Le visa baladure criminologène, près de 10 000 morts au large de Mayotte depuis son instauration, instauration en 1995 par Édouard Balladur, Premier ministre, qui fait toujours entrave à la libre circulation des Comoriens, de l'archipel, l'abandon de la souveraineté, de l'intégrité des Comores, etc., deviennent pour les autorités comoriennes le prix à payer pour la perpétuation de leur politique de mendicité soutenue et entretenue par l'ancienne puissance administrante qui est la France, à grand renfort de conseil France-Africain. Donc les Comoriens sont appelés ce mercredi à participer donc au rassemblement de Nuit Debout ici à Saint-Denis donc pour exprimer notre colère et dénoncer le caractère néfaste et indigne de la politique française à Mayotte avec la complicité agissante des autorités comoriennes. Nous appelons toutes les organisations de droits de l'homme à interpeller le pays de la proclamation des droits de l'homme pour les graves infractions perpétré à Mayotte en son nom. Donc voilà, nous intervenons sur place pour voilà, cette demi-heure qui est accordée par la radio Debout, donc sur FPP, évidemment, 106.3 FM. Et là, nous ne pouvons que remercier FPP. Nous faisons partie en même temps. Un petit peu la situation, pour rendre ça clair, c'est sur l'île de Mayotte, il y a des Mahorais qui se sont formés, on peut le dire, en milice, oui, pour participer à l'expulsion de certains de Comoriens qui sont soit en situation régulière, soit en situation non régulière, c'est ça ? Oui, tout à fait. Enfin, ce sont des milices parce que ce sont des groupes qui se forment par quartier, comme à l'époque des Fessos ou Mussolini. Et ces groupes, ce qui est flagrant, interviennent dans les maisons et ils ne cherchent à expulser de leurs maisons que des gens à Mayotte qui sont originaires des autres îles comoriennes. Tout en sachant qu'il y a des Malgaches à Mayotte, ils ne sont pas inquiétés. Il y a des Rwandais, il y a des Est-Africains, il y a d'autres nationalités, des Réunionnais et j'en passe. Mais là, c'est un mouvement fait entraîné par les réseaux France-Africains et soutenu par les autorités françaises sur place, parce que je rappelle que ces groupes, ils annoncent par les réseaux sociaux ou par des tracts qu'ils vont intervenir dans tel quartier pour expulser les originaires des autres îles des Comores. Et les gendarmes français, ils sont au courant. Au lieu d'arrêter, disons, ce qu'on peut appeler comme illégalité totale, vous imaginez si des groupes, par exemple, à Saint-Denis, venaient d'expulser des gens, je ne sais pas, originaires de tel ou tel, et que les gendarmes viennent, ils assistent. Et ce qui est encore très flagrant, c'est que nous avons vu des images dans les réseaux sociaux où les gendarmes empêchent les journalistes de prendre des photos ou de prendre des sons ou des images de justement ce qu'on appelle ces atteintes déjà aux propriétés privées, parce qu'ils interviennent dans des propriétés privées. Ils expulsent les gens qui habitent, femmes et enfants bien sûr, et ils cassent tout ce qui est à la maison, quitte à brûler une partie. Et les gendarmes donc sont là pour assister, et après ils expulsent les gens de chez eux. Et les gendarmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent ces gens qui sont expulsés dans des centres, particulièrement la ville de Mamoudzou, dans un grand centre où ces gens sont obligés de se regrouper. Et dans ce centre, les gendarmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le tri pour voir ceux qui ont des papiers, ils les laissent dans ces centres. La plupart, ils en ont, y compris des gens qui ont la nationalité française. Et ceux qui n'ont pas de papiers, c'est en face évidemment de l'office du tourisme à Mamoudzou, c'est tristement un signal non touristique, mais plutôt un signal de haine et de violence. Et les gendarmes, donc, ils cherchent à trouver des gens qui n'ont pas de papiers, selon les normes évidemment des autorités françaises. Et là, ils font une expulsion expéditive sans passer même par la case judiciaire. Ouais. Donc ils sont expulsés vers les îles comoriennes. Oui, tout à fait. Actuellement, il y a beaucoup de bateaux qui font les va-et-vient. Bon, ces expulsions, de toute façon, ça ne s'arrête pas. Et les autres Comoriens, comme ils considèrent que Mayotte chez eux, c'est chez eux puisque c'est une île comorienne selon les plusieurs résolutions des Nations Unies. Donc ces Comoriennes reviennent le lendemain et elles sont encore réexpulsées. Bon, ça, ça continue depuis le visa Balladur. Mais on a l'impression que ces réseaux ou ces groupes qui expulsent sont manipulés par les autorités françaises, puisque les gendarmes en profitent. Ils laissent à ces groupes fascistes de faire le boulot. Et eux, après, ils font comme le service après-vente, c'est-à-dire ils viennent, comme ils ont fait le boulot pour eux, ils cherchent effectivement dans les gens qui sont victimes de ces expulsions, ceux qui n'ont pas de papier pour pouvoir les expulser. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de journalistes qui n'arrivaient pas à écrire leur papier, qui n'arrivaient pas à prendre du son. Tout à l'heure en off, tu me parlais d'un journaliste qui avait publié un papier dans un journal et qui avait été licencié. Ah, ça, c'est encore les autorités comoriennes. Ça, vraiment, dans tout pays, quand les citoyens sont en danger, quand il y a des citoyens qui meurent, qui sont maltraités, un pays qui se respecte, disons, soutient ses citoyens. On sait combien les Israéliens, par exemple, font pour payer même parfois cher pour pouvoir libérer ou récupérer un soldat israélien qui, par exemple, arrêté. On sait comment les autorités françaises, par exemple, se carcassent pour pouvoir libérer des otages et la médiatisation et tout ça. Mais les autorités comoriennes, enfin, ce sont des autorités qui sont sous la houlette de la Françafrique. Enfin, ils sont là pour servir pas les intérêts des Comores, mais les intérêts de la France pour pouvoir, disons, rester au pouvoir, parce que pour eux, s'ils ne servent pas les intérêts français, ils seront renversés par un coup d'État, par les mercenaires français, comme c'était auparavant. Donc le président actuel, qui est un président qui n'a aucun souci pour ses compatriotes, ils n'ont pas réagi. Ils n'ont même pas, sorti un communiqué pour, dénoncer ce qui se passe dans l'île Comoyenne de Mayotte. Et du coup, il y a un journaliste d'un journal pro-gouvernemental, Ahmed Ali Amir, qui était le directeur des publications, qui a dénoncé que quand même c'est flagrant. On est en train de maltraiter les Comoriens à Mayotte et il n'y a pas eu de protestation des autorités comoriennes. Et du coup, la réponse, ce n'est pas le ministre qui a sorti la décision de, licencier le journaliste, mais c'est carrément le président de la République, pour avoir des galons ou pour avoir des bons points à l'égard des autorités françaises, qui a sorti, qui a signé la décision pour licencier le directeur de publication du journal Alouatouane, Ahmed Ali Amir, qui a publié cet article. Donc ça veut dire que c'est... non seulement ils ne font rien pour sauver les Comoriens, mais ils répriment ceux qui osent dénoncer ce qui se passe à Mayotte. Je crois que même si j'étais aux Comores, je crois que je risquais même d'être arrêté pour avoir dénoncé ces actes. Donc ce sont des autorités qui sont coupables de haute trahison pour les intérêts des Comores et l'intégrité territoriale des Comores. Ouais. Bien, merci Abdou. Alors il y a un rassemblement le 25 mai, tu peux rappeler l'endroit ? Donc là justement, ça commence à se regrouper. Je vois, il y a des frères qui arrivent ici. C'est aujourd'hui sur la place de la Basilique à Saint-Denis. Nuit debout pour pouvoir justement protester, comme ça a été le cas à Nuit debout au Paris. On suit à la rigueur les pas de la radio FPP, Fréquence Paris Plurielle. Eh bien merci Abdou. De rien, oui, de rien. On est toujours sur Radio Debout, sur le parvis de la Basilique de Saint-Denis en direct. Et on continue cette émission avec les adhérents du GEM, le groupe d'entraide de mutuelle de la ville de Saint-Denis. Et je passe le micro à Clarisse. Bonjour Clarisse. Bonsoir. On va continuer donc Radio Debout à Saint-Denis avec l'association du groupe d'entraide mutuelle de Saint-Denis. Tout le monde est en train de s'installer pour la petite transition du moment. Bienvenue à tous et à toutes, installez-vous. Salut. Bonjour. Et bonjour, donc Kelouja. Bonjour. Christiane. Oui, bonjour. Alexandre. Salut. Christophe. Bonjour. Anis. Bonjour à tous. Et Jean. Bonjour à tous. Voilà, ça fait beaucoup de monde du groupe d'entraide mutuelle de Saint-Denis aujourd'hui. Et on a choisi de vous inviter ce soir parce que c'est pas le premier mercredi qu'on vous voit à Saint-Denis. Vous êtes là tous les mercredis depuis 6 semaines, en nombre. Et je sais que vous en parlez dans vos AG d'association. Bonjour Gérard. Dans vos AG de l'association, c'est un sujet en ce moment dont vous parlez. Et peut-être pour commencer, si vous pouvez présenter rapidement ce qu'est le groupe d'entraide mutuelle. Oui, alors je suis Christiane, je suis donc adhérente à l'association qui s'appelle le GEM, groupe d'entraide mutuelle, c'est une association que l'on peut trouver dans quelques villes, dans pas mal de villes de France et de l'Île-de-France. Elle porte pour Saint-Denis, cette association du GEM a le nom de l'Entretemps. L'entretemps. Donc moi, je fréquente le GEM parce que c'est un lieu très ouvert, très libre, où des activités qui m'intéressent sont proposées. Et donc grâce à cette association, je me suis lancée dans le théâtre. Ça fait donc 5 ans. Je fais aussi de la chorale, animé d'ailleurs chaque année par diverses personnes. Et je pratique aussi le yoga, ce qui me fait beaucoup de bien, j'en ai vraiment besoin, physiquement et moralement. Les salariés qui travaillent à mi-temps sont très chaleureux, très accueillants. Ils se rendent le plus possible pour chacun, très disponibles, donc j'apprécie beaucoup. Et également, il y a d'autres adhérents, adhérentes, avec lesquels j'ai sympathisé. Et donc, ça forme un petit groupe amical. Et est-ce qu'on peut te demander pourquoi on participe à Nuit Debout, parce que c'est vrai que Clarisse se posait la question de savoir pourquoi les gens du GEM venaient là et qu'est-ce qu'on y faisait, etc. etc. La Nuit Debout. Moi personnellement, je viens à la Nuit Debout. D'abord, c'est à côté du GEM. Géographiquement, c'est très intéressant. Et en plus, moi j'ai toujours été syndiquée à la CGT. Même maintenant que je suis à la retraite, je paye toujours ma cotisation à la CGT. C'est un syndicat dans lequel je me reconnais beaucoup. Puisqu'il se base sur des principes de lutte de classe. Donc pourquoi je viens? Parce que voilà, le gouvernement très encouragé, impulsé, je dirais, par le grand syndicat du grand patronat, le MEDEF, a décidé, sans même consulter la population, et ensuite après il a interdit la discussion à l'Assemblée nationale, alors que les députés en principe ce sont nos représentants, eh bien le gouvernement se paye le culot de faire passer ce qu'on appelle la loi travail, alors qu'il s'agit d'une dégringolade complète, d'une régression des droits du travail qui ont été acquis durement. J'avais un père syndiqué à la CGT, je l'ai vu souffrir, un ouvrier qui s'est beaucoup donné pour améliorer notre société. Mes grands-parents, aussi mes grands-parents. Et maintenant, je ne vais rester indifférente face aux attaques du droit du travail. Mais non alors ! Anis, on peut te demander pourquoi tu participes à Nuit Debout, toi ? Parce que, bonjour à tous, et moi je suis là pourquoi pour une nuit debout, parce que j'ai bien aidé à faire la cuisine avec les autres, avec Darius, avec la dame, je la connais, je sais pas comment elle s'appelle. Avec qui tu fais la cuisine, on peut te demander. Avec Darius, avec tout le monde, quoi, qui sont en face de moi là-bas, et franchement, moi quand je fais un truc, c'est pour tout le monde, que les gens qui participent pour manger, ils sont contents, franchement, moi ça me plaît, parce que moi la nuit debout c'est un truc pour moi c'est extraordinaire, parce que la nuit debout pour moi ça détend le corps, et tu sens bien entre toi, et franchement il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a plein de choses, mais sinon à part ça, qu'on fait aussi on est motivé, l'essentiel, et aussi est-ce possible d'avoir aussi aider les gens à avoir trouver des logements, des trucs qui sont sur SDF, les gens sont, ils n'ont pas où ils peuvent dormir, se loger, il y a plein de choses, ça aussi il faut savoir comment est-ce qu'on pourrait les donner un coup de main, est-ce qu'on peut parler avec secours populaire avec eux, qu'est-ce qu'on peut leur poser des questions, qu'est-ce qu'elles en pensent, et puis voilà quoi, je vous souhaite une bonne soirée, et puis voilà. Jean, toi aussi, tu viens tous les mercredis à la Nuit Debout à Saint-Denis. Est-ce que tu veux nous dire un peu ce que tu viens faire là? Pourquoi tu reviens chaque semaine? Là, c'est que, vu par le ministère, surtout par le ministère des écoles, c'est qu'ils ont prévu de fermer des écoles laïques. C'est pour ça. C'est la question de l'éducation, oui, toi, ouais. qui t'intéresse. Vu que moi, c'est que je suis né à Saint-Denis. T'es à l'école à Saint-Denis, toi. Par ça, c'est que qu'il y a l'école des cosmonautes. J'ai été dedans cette école. Bon, c'est que, qu'il va avoir quelques classes qui vont fermer, comme la classe de perfectionnement plus par un CP. Bon. Et pour compléter un peu la participation du groupe d'entraide mutuelle, enfin de l'association à Saint-Denis, voilà, il y a un an à peu près, on a créé une émission sur Fréquence Paris Pluriel qui s'appelait Bruit de Couloir. Et là, je vais laisser la parole à Kelouja, puisque c'est elle qui présente l'émission, voilà, qui parle de l'actualité, de l'histoire de la psychiatrie, mais aussi d'autres choses. Et dans ce cadre-là, on s'est dit que c'était pas mal de faire une émission sur ce qui se passait à Saint-Denis dans le cadre des Nuits Debout. Et du coup, voilà, Kelouja est partie interviewer tous les gens qui étaient à l'origine de la mise en place de l'événement sur Saint-Denis et les autres qui participent. Tu as fait voilà. La journaliste du GEM à Nuits Debout Saint-Denis. Alors, tu nous racontes un peu, si tu veux. Merci de me présenter comme la journaliste du groupe, parce que Alexandre a aussi interviewé, d'ailleurs Clarisse aussi nous a aidés pour cette émission-là. Mais sinon, depuis le début de Bruit de Couloir, c'est un vrai plaisir d'être au GEM, parce que comme Christiane, je suis au GEM pour faire du théâtre, du yoga, du chant, mais je fais la radio en plus. Et évidemment, la radio était axée sur la psychiatrie toute une première partie de l'année, mais on se rend compte que l'arrivée de Nuit Debout ici, et même déjà à Paris, nous oblige à nous intéresser à autre chose qu'à la psychiatrie, donc la politique immédiate, l'histoire immédiate, si l'on peut dire. Et je trouve que c'est extraordinaire pour quelqu'un qui a toujours voulu faire du journalisme quand j'étais au lycée. Je trouve que là, vraiment, en plus de parler de psychiatrie, on appréhende différemment l'histoire. Et pour moi, l'intérêt de la Nuit Debout, c'est vraiment ça, c'est l'histoire immédiate, avec l'importance du syndicalisme et du militantisme, parce que les groupes organisateurs sont souvent de grands militants, mais avec une confrontation réelle, enfin une collaboration, une confrontation, un échange avec d'autres personnes qui ne sont absolument pas militantes, ni encartées dans un syndicat, ni dans un parti politique. Donc pour moi, c'est l'apprentissage du journalisme. J'ai fait toutes les Nuits Debout à Saint-Denis depuis le début. J'en ai fait quelques-unes à Paris, mais je trouve qu'à Saint-Denis, c'est à grandeur humaine. D'ailleurs, la politique de la ville, depuis le départ, permet aussi de se rendre compte que les choses se passent ici et maintenant et à nos portes. Ici, à Saint-Denis, on peut serrer la main et faire la bise au maire ou aux députés. Les choses sont beaucoup plus proches que... Enfin, moi, en tout cas, ça m'est arrivé. Ça fait 15 ans que je vis à Saint-Denis. Et c'est vrai que j'ai la chance de rencontrer de visu de temps en temps le maire et le député. Donc la Nuit Debout, c'est tout simplement entrer dans l'histoire, entrer dans un livre et rencontrer des gens qui se sentent concernés par la politique. Parce que pour terminer là-dessus, je trouve qu'à la politique, si on ne s'occupe pas d'elle, elle s'occupe de nous. La Nuit Debout, c'est ça. C'est apprendre à s'occuper de la politique pour ne pas qu'elle soit seule à s'occuper de nous. Donc en gros, le groupe d'entraide mutuelle de Saint-Denis est dans la place à Saint-Denis, Basilique, tous les mercredis. Et maintenant, on va faire une petite pause avec des gens du GEM ou pas du GEM. Et voilà, la place à vous. Susan Hartmann et Limour pour une impro à la guitare. Thank you. t'en passe. Allô ? Oui, je m'entends. Radio debout. Management rétro planning, rendement et fils fucking, licenciement facial, harcèlement dominical, période d'essai, 20.D, pause carcérale, tout ça. Allô ? Oui, tout le monde m'entend. Radio debout. Et oui, Radio debout, Saint-Denis, cette fois c'était la surprise du jour. Et toujours avec nous le groupe d'entraide mutuelle de Saint-Denis, l'Entretemps. Et Kelouja, est-ce que tu veux continuer à nous parler de ce que toi tu as fait à Nuit debout Saint-Denis et ce que tu y trouves chouette ? Voilà, parce que j'ai trouvé de bien la Nuit debout à Saint-Denis, mais qui s'est produit d'ailleurs à Place de la République aussi, et dans d'autres Nuits debout à travers la France, c'est les commissions, c'est l'organisation par commission. À Saint-Denis, très rapidement, il y a eu une commission logement, parce qu'il y a une forte mobilisation sur le logement. Voilà, là-dessus, il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de logements, mais aussi beaucoup de SDF, beaucoup de mal logés. Donc, voilà, une commission au logement. Il y a beaucoup d'expulsions de la ville. Il y a beaucoup d'expulsions, avec une occupation de la basilique, dont les manifestants ont été également expulsés par moult policiers ce soir-là, quoi. Donc, une commission logement, une commission de travail. Et moi, Alexandre, nous avons participé à la commission démocratie qui continue encore. Donc, c'était très intéressant parce que ça se passe à travers toute la France, à travers l'Europe. On va faire une émission de bruit de couloir dessus, on va essayer. Voilà, on va essayer de faire une émission sur la démocratie. Psychiatrie et démocratie. Hein. Voilà. Gros sujet. Oui, c'était un vaste sujet et qui va nous rappeler les écrits des années 70 sur psychiatrie, sur psychanalyse, de schizophrénie, capitalisme et schizophrénie, par exemple. De Deleuze et Guattari, oui. Voilà. Donc, cette commission-là est intéressante. Il y a déjà eu un compte-rendu envoyé par mail, des réflexions sur la démocratie athénienne, sur la démocratie liquide, sur Jacques Rancière. Enfin, un certain nombre de participants ont réfléchi déjà à cette question-là. Et nous espérons rejoindre un peu toutes les innovations en termes de changement de gouvernance qui nous occupe en ce moment. Voilà pour les commissions. On est content parce qu'il y a Florence de Radio Déclic qui vient de nous rejoindre et on va pas forcément lui donner la parole, mais en tout cas voilà. Bonjour, c'est Florence. C'est quand même un support génial d'avoir Radio Déclic qui existe à Saint-Denis où on peut enregistrer les émissions et voilà. Merci beaucoup Florence. Merci Florence. Et du coup Kelouja, tu parlais des commissions et notamment de la commission démocratie. Alexandre, tu disais que vous alliez peut-être faire une émission sur démocratie et psychiatrie notamment. Sur la démocratie, je plaisantais un peu sur la démocratie et psychiatrie parce qu'arriver à monter les deux sujets et à c'est en costaud. Parler correctement, c'est pas évident. Mais sur la question juste de la démocratie. Démocratie tout court. Qui est assez large en fait, parce que toute organisation collective pose ces questions-là. On pourrait parler de comment on s'organise à l'association et comment on prend des décisions, comment on vote ou comment on ne vote pas justement. Si on considère que le vote, c'est juste un échec à s'entendre. Enfin bon, voilà, ne serait-ce qu'à partir de l'organisation qu'on a à l'association, on pourrait parler de démocratie pendant 107 ans. Mais là, effectivement, la forme qu'a pris la commission à laquelle on a participé avec Kelouja il y a 2-3 semaines ici sur les Nuits debout de Saint-Denis, elle était plutôt directement repartie sur les bases de la démocratie athénienne. Il y a même des gens qui parlaient de communisme primitif. Hein. Les gars, ils sont montés loin quand même. Donc, du coup, je ne sais pas comment on va construire cette émission, mais on en parle demain pour aller l'enregistrer en juin. Et l'idée d'inviter le groupe d'entraide mutuelle aujourd'hui, c'était aussi de voir un peu où on en était sur les questions de psychiatrie et de secteur psychiatrique de façon locale, à Saint-Denis ou pleine commune, peut-être pas tout le 93. Mais Alexandre, si tu peux nous faire un petit panorama ou point sur la situation. C'est effectivement, on est dans une époque qui n'est pas évidente sur ces questions-là. En tout cas en France, puisque parallèlement, il y a des outils très intéressants comme les GEM ou les clubs thérapeutiques, qui sont un peu la même chose que les groupes d'entraide mutuelle, mais à l'intérieur de l'hôpital, qui continuent d'exister, des gens qui continuent de militer pour ça. À côté, on assiste quand même à, en tout cas au niveau de la politique d'État, à une réduction des budgets, moins de lits d'hôpitaux, une logique de l'urgence contre une logique de l'accueil. On assiste aussi à des retours de pratiques de contention de plus en plus dures, parce que les gens n'ont pas forcément la possibilité de correctement travailler, à mon avis, à la fois dans les hôpitaux et puis dans les services des secteurs de psychiatrie qui existent, que ce soit les CMP, les CATTP. Sur Saint-Denis, c'est très difficile. Par exemple, les infirmiers ne restent pas en intra-hospitalier parce que les conditions sont trop dures, parce qu'ils sont débordés. Je pense qu'ils démissionnent. Là, je crois que les chiffres que sortait Laurence Stamatialis, qui est la responsable du pôle psychiatrie sur Saint-Denis, c'était que sur 11 infirmiers en intra-hospitalier, il n'en restait plus qu'un de l'embauche de l'année dernière. Donc les gens, ils viennent travailler 3-4 mois. Mais du coup, sachant que pour accueillir correctement une personne qui fait... une crise, il faut quand même une équipe solide et des gens qui restent et qui soient en mesure d'accueillir correctement la personne. C'est vraiment pas évident. Et sur Saint-Denis, ce que relevait le conseil local de santé mentale, là, qui a lieu à la mairie, qui réunit des gens de la municipalité, des gens des secteurs de psychiatrie, des associations d'aidants comme l'UNAFAM ou même le GEM, d'ailleurs, on pourrait être amené à y participer, c'était qu'ils étaient aussi débordés par un nombre de personnes. Il y a énormément de domiciliations sur Saint-Denis et des gens qui vont pas bien, qui sont aussi là-bas, et ils n'ont pas forcément les effectifs pour pouvoir les accueillir correctement. Ils suivent donc, pas dans les effectifs, ils suivent voilà. Pas le nombre de domiciliations. Voilà, et du coup, il y a une surdemande, mais qui est pas propre que à Saint-Denis, mais en tout cas qui existe aussi sur Saint-Denis, que les dispositifs psychiatriques s'y arrivent pas à éponger. Quoi. Et voilà, donc... Et voilà, la loi là, qui arrive, le projet de loi santé de Marisol Touraine autour de ces questions-là, c'est quand même la loi du GHT qui est vachement discutée en ce moment par la commission psy, soins et accueil debout qui a lieu à République. J'en parlerai tout à l'heure peut-être pour conclure et puis pour donner des informations par rapport à ça. Ils ont le projet de loi de Marisol Touraine, c'est quand même les groupements hospitaliers territoriaux d'enlever la spécificité de la psychiatrie et de rassembler l'ensemble des budgets sur l'hôpital général. Et du coup, si un administrateur ou quelqu'un doit choisir entre un scanner ou des lits d'hospitalisation en psychiatrie, voilà, il y aura des questions de ce genre à se poser. Donc les temps sont pas favorables, en tout cas sur les questions sanitaires et d'accueil médical, à la psychiatrie. Après, à côté de ça, il y a des choses très intéressantes qui se passent, des collectifs qui existent, qui se mobilisent, qui sont aussi en résistance par rapport à ces projets de loi, mais qui aussi inventent des formes d'accueil, et je pense que les GEM, ça fait un peu partie de ça d'une certaine manière, des formes d'accueil nouvelles, où on est dans un rapport de disponibilité, d'accueil, de bienveillance collective, et où chaque personne, qu'elle soit étiquetée malade ou pas malade, qui prend part à la vie d'une association comme le GEM, peut devenir membre d'une collectivité active. Et ça, c'est quand même vachement intéressant. Mais ça reste des équipes précaires, il y a un petit budget, c'est fragile. Des alternatives, mais fragiles. Des alternatives existent et fragiles. Donc voilà un peu où on en est là aujourd'hui à Saint-Denis. Quoi. Et est-ce que Christophe, Jean, Christiane ou Kelouja, vous auriez envie de dire quelque chose par rapport à cette situation du secteur psychiatrique à Saint-Denis ou localement ? Oui, moi j'aimerais dire que dans cette société aussi injuste, où je pense qu'on n'a jamais connu autant d'inégalités par rapport aux revenus, où il y a des millionnaires, des entreprises financières dont les PDG gagnent des milliards, et même des banques qui se permettent d'expatrier des milliards sur le dos du peuple. Du coup, nous sommes confrontés à la précarité, à la souffrance, à la misère, à la pauvreté, ce qui rend la vie des personnes très difficile. Et au GEM, par exemple, nous avons des personnes qui sont des souffrants sociaux. C'est-à-dire comme ils n'ont rien pour vivre, ils sont démunis, ils se retrouvent déstabilisés. Et ben, ce qui me fait très plaisir, c'est là l'occasion de la Nuit debout, c'est de voir le peuple dans la rue qui organise un tas de qui se prend en charge pour se nourrir. Ce qu'Anis voulait dire tout à l'heure, je pense qu'il trouve ça extraordinaire et je le comprends. Que là, ça s'est jamais vu, moi j'ai jamais vu ça, hein, que des personnes tellement différentes, on ne se connaît pas vraiment tous, on se rencontre, on échange, on discute sur des sujets très sérieux en tant que citoyen. Voilà, et on en a marre d'être téléguidé par les gros riches. Et par des politiciens qui promettent des choses et qui ne font rien, qui sont là juste pour gagner plein d'argent, n'est-ce pas ? Ils font de la politique un métier entre guillemets, parce qu'ils le font très mal d'ailleurs. Ils n'en ont rien à foutre du peuple. Donc moi, ce que j'apprécie dans le GEM, c'est justement cette rencontre entre les personnes très, très fragilisées, aussi bien sur plan de problèmes psychiques, mais qui s'en sortent et qui sont accueillies au GEM, qui sont encouragées, qui se retrouvent. On se retrouve les uns avec les autres. Bon, il y a ceux qui font des activités, il y a ceux qui en font moins ou pas, mais c'est pas grave. Ce que je voulais dire, là ça m'est sorti de la tête. Enfin voilà, c'est une humanité, comme tu disais, dans l'immédiat. Voilà. Et donc je voulais dire qu'on peut tous être touchés par la souffrance, parce que vivre, c'est une lutte, comme a dit Victor Hugo, et tout le monde peut le vérifier. Et c'est une lutte dès la naissance, et en particulier dans les familles, sur les lieux de travail ou de pas travail, dans la rue. Et ainsi, moi j'ai rencontré la psychanalyse et j'en suis très très heureuse en fin de compte. Et c'est, je voudrais évoquer, on aura l'occasion d'en parler, la psychanalyse reichienne qui vient du docteur Reich, qui a connu Freud, mais qui s'est éloigné de Freud pour des raisons politiques, sociales. Il s'est beaucoup plus mis à la portée des humbles gens. Il a fait beaucoup de choses, sa vie mérite d'être connue. Et moi, je fais donc une analyse avec une thérapeute reichienne. Et on en reparlera plus tard. C'est très intéressant à découvrir. Jean, tu voulais causer, toi, de la psychiatrie à Saint-Denis. Tu vas au CMP, tu voulais en dire quelque chose? Mais, c'est que je suis suivi par les CMP de Auguste Poulain. Le CMP, donc le Centre Médico-Psychologique. Et, c'est par mon... par mon psychologue, c'est qu'il me dit qu'il faut que je m'ouvre aux autres. Mais qu'il y a des traitements qui sont quand même lourds. C'est quand même vraiment très délicat. Quand on a un traitement lourd, c'est qu'on se fatigue de trop. C'est vrai que la question des médicaments et la question du traitement et des neuroleptiques et des effets secondaires que ça génère et qui sont des fois, on va peut-être pas dire aussi lourds que l'effet que c'est censé générer au niveau de la guérison première, mais en tout cas c'est un sujet qui revient souvent, ce rapport aux médicaments, ce rapport aux neuroleptiques, la manière dont c'est utilisé et des fois l'impossibilité d'en discuter avec les personnes qui prescrivent pour avoir un positionnement un peu évolutif, c'est-à-dire baisser le traitement ou le faire évoluer. Et souvent, on se sert du médicament. Ce qu'ont créé les neuroleptiques, Laborie et Kuhn eux-mêmes disaient que l'usage qu'en avait été fait dès que ça a été inventé, parce qu'il y avait un côté miraculaire, n'a pas été assez problématisé. Et je pense qu'il y a encore tout un travail à faire au-dessus de ce rapport aux médicaments qui est très présent dans la psychiatrie actuelle. Oui, je voudrais rajouter qu'on a connu, tout le monde a connu la camisole de force, c'est-à-dire qu'on enfermait les malades qui souffraient, qui exprimaient leur souffrance, qui se révoltaient, on les a enfermés, on les a enfermés dans des draps, enfin dans des vêtements spécialisés où ils avaient les bras et les jambes en serré. Contentions physiques, et maintenant c'est la camisole chimique. On bourre les personnes de médicaments parce que comme on ne forme pas ou qu'on ne nomme pas assez de médecins psychiatres, comme ils s'en foutent de l'humain là-haut, les responsables, eh ben ils préfèrent nous abrutir de médicaments au lieu de prendre le temps de faire des thérapies plus longues mais qui nous épargneraient la prise de médicaments qui abrutit, qui fatigue. Et qui ne permet peut-être pas de soigner les personnes d'une façon beaucoup plus humaine, en fin de compte. Voilà. On va devoir conclure là. Juste pour conclure, justement, il y a une commission psy, soins et accueil debout qui s'est mise en place à République. Ils se réunissent toutes les semaines. Il y a des permanences qui ont lieu à République les mardis, mercredis, jeudis et samedis à partir de 19h pour discuter de toutes ces questions-là autour de la psychiatrie et de ce qu'on pourrait y faire d'intéressant. Il y a une assemblée générale qui se tient une fois par semaine. Cette semaine, elle a lieu le vendredi 27 mai à 20h en face d'Habitat, place de la République. Et si vous voulez plus de renseignements, il y a un contact, psy soins accueil at riseup.net. Et il y a un blog, www.psysoinsaccueilcanalblog.com. Et bien voilà, donc c'est la fin de la discussion avec le groupe d'entraide mutuelle de Saint-Denis. Je vous remercie tous et toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La chimie, c'est bien, mais l'humain, c'est mieux. Au revoir. Au revoir. Salut. Et voilà, et donc c'était une des possibilités de s'ouvrir aux autres. Il y a les centres médico-psychologiques, mais il y a aussi les groupes d'entraide mutuelle. Il y en a plein en France, allez-y. On va enchaîner avec le débat. Le débat qui est en cours à Saint-Denis. Radio. Voilà, de la délinquance, des problèmes souvent liés à la nationalité des habitants. Et donc, beaucoup d'habitants se sont mobilisés, ont cherché à voir comment ils pouvaient réagir. Ils ont fait des pétitions, ils ont demandé un droit de réponse à la chaîne, ils ont écrit au médiateur, et tout ça n'a pas du tout fonctionné. La chaîne n'a pas du tout répondu à leur demande de droit de réponse. Et alors, si Guylaine Chenu et François Joly ont répondu, mais par médias interposés, elles ne sont pas venues du tout parler avec les habitants, elles ont répondu par médias interposés. Et au final, donc, les habitants ont décidé d'aller au procès, donc ils ont déposé plainte en diffamation contre France 2. Et c'est la première fois qu'un collectif d'habitants se mobilisait et parvenait à aller au procès. Il y a eu des cas où des mairies, donc là j'ai entendu dire que le maire refusait de porter plainte contre le Figaro, il y a eu des cas où des mairies ont porté plainte et ont pu gagner, mais c'est la première fois qu'un collectif d'habitants d'un quartier déposait plainte. Et en fait, bon, ils ont réussi à aller au procès, donc ils ont réussi à trouver un avocat, à déposer plainte, à obtenir qu'il y ait une audience. Et ils sont allés au procès, ce qui leur a permis de médiatiser la cause et donc d'avoir un peu une revanche médiatique contre France 2. Et au final, ils ont été déboutés à l'issue. La décision de justice a été de considérer que la plainte n'était pas recevable parce qu'en fait, ils s'étaient constitués en collectif. C'est une association d'habitants qui a déposé plainte pour le compte des habitants, en fait, une association d'habitants de quartier. Et la justice a considéré que l'association n'était pas fondée à déposer plainte parce qu'elle n'était pas elle-même diffamée, en fait. Hein. Donc, il aurait fallu que ce soit des habitants qui soient présentés dans le reportage, qui portent plainte, et notamment, en fait, deux femmes de ménage qui étaient mises en cause, qui étaient présentées de façon, on va dire, dépréciative dans le reportage. Il aurait fallu que ce soit ces femmes-là qui portent plainte contre France 2. On imagine bien les difficultés que ça peut représenter pour des habitants d'un quartier populaire à la Villeneuve, etc. Donc la question que ça pose plus largement, c'est peut-être une question qui pourrait être intéressante de se mettre au débat, c'est comment la loi sur la presse est faite, en fait, hein, les lois notamment pour attaquer en diffamation, qui font que ce sont des individus individuellement qui doivent attaquer, et du fait qu'il ne peut pas avoir d'action collective, ça n'existe pas encore dans le droit de la presse, ça existe dans le domaine de la consommation, on peut faire des actions collectives, mais pas dans le domaine de la presse, donc pas individuellement, il faut que ce soit des gens qui individuellement saisissent la presse. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là, peut-être juste dire que, pour l'anecdote, moi j'ai beaucoup travaillé sur France 2. Tout à l'heure, on parlait du fait qu'on parle de questions religieuses pour ne pas parler de questions sociales. Quelqu'un comme David Pujadas, le présentateur du JT de France 2, est quelqu'un qui a construit sa carrière, d'abord comme fait diversier, en fait, sur les questions d'islamisme et de faits divers dans les quartiers populaires. Et on voit aujourd'hui, quand on regarde un peu le journal télévisé de France 2, il y a des gens un peu maso comme moi qui le font, et on se rend compte que voilà, le traitement qu'ils font chaque jour de la mobilisation sociale, qui insiste beaucoup sur les blocages, qui insiste beaucoup sur la violence dans les manifestations, qui insiste beaucoup sur les pauvres automobilistes qui ne peuvent pas trouver d'essence pour aller au travail, etc. Et en même temps, c'est la même personne, en fait, hein, qui s'est construit une réputation professionnelle et toute une trajectoire pour devenir, au final, présentateur d'un des principaux journaux télévisés de France. Voilà, merci. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci. Oui, Théo. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Théo, à CGT, NPA. Je voudrais... Radio debout. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Je suis Mehdi Moudane de Radio Déclic. Et aujourd'hui, je reçois en direct de la place Victor Hugo à Saint-Denis Jérôme qui nous parlera de la une scandaleuse du Figaro Magazine qui est parue le 20 mai. Également avec moi sur le plateau, j'ai Louise qui est institutrice à Saint-Denis qui va nous parler d'éducation et de logement. Enfin, Geoffroy, également prof, nous parlera de la mobilisation contre la loi travail. Alors bonsoir Louise. Salut. Vous êtes enseignante et vous êtes venue pour nous parler des problèmes d'éducation et de logement à Saint-Denis. Alors oui. On va commencer par l'éducation. Alors quelles sont vos revendications ? Quelles sont vos revendications ? Bah, la revendication principale, c'est un logement pour tout le monde. Non. Un logement pour tous, ouais. Et toutes. Et si on a, au sein des écoles, on s'est mobilisé, c'est qu'il y avait plusieurs familles à Saint-Denis qui, il y a plusieurs familles en fait, qui connaissent des problèmes de logement terribles, des situations dramatiques hein, qui vont jusqu'à la mise à la rue, des menaces d'expulsion, des loyers trop chers qui rendent la vie infernale. Et nous, en tant qu'instit, on s'est sentis concernés pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, ça pose un véritable problème pour les enfants et leur scolarisation. On peut faire tout ce qu'on veut. Si on ne rajoute pas des mètres carrés aux enfants, bah, tous nos efforts seront vains. Et parce qu'on se sentait concernés aussi en tant qu'habitants, habitantes de Saint-Denis sur des questions de logement. Vous avez créé quel collectif, du coup ? Donc on a créé l'année dernière, alors en novembre dernier, le collectif Pas d'enfants à la rue. Donc qui se mobilisait, donc qui avait pour but de créer un réseau dans les écoles de mobilisation qui réunissait à la fois les instits, les parents et aussi des habitants solidaires. Depuis la création de votre collectif, est-ce que la situation a évolué ? Alors le collectif s'est mobilisé énormément l'année dernière. Il y a eu plusieurs expulsions et des familles qui se sont retrouvées à la rue avec lesquelles on s'est mobilisé. Il y a eu des occupations d'écoles. Il y a eu des piquets anti-expulsion. L'année dernière, entre avril et mai, on s'est levé tous les jours à 6h du mat pour tenir un piquet anti-expulsion, pour prévenir, tenter d'empêcher l'expulsion possible d'une famille et de ses voisins et voisines dans le quartier à la pleine Stade de France, quartier Cristina Garcia. Et donc ça a permis de faire reculer l'expulsion et puis on a obtenu le relogement de cette famille. Donc pareil. Hein. Donc voilà, on a eu pas mal de victoires. Et on a créé pas mal de solidarité dans les écoles, entre les parents, les instits. Et là, cette année, dans le mouvement de la loi travail, bah, y a beaucoup d'écoles qui participent à ces luttes, qui sont très impliquées. Et pour l'instant, vous êtes basé sur combien d'écoles à Saint-Denis ? Alors, on est dans ce réseau-là, il y a plusieurs écoles plus ou moins mobilisées. On peut dire... Trois écoles qui sont un petit peu impliquées. Après ce réseau-là, il a un fonctionnement de réseau. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, il y a plusieurs écoles la dernière qui ont été impactées. Il y en a au moins 7 ou 8, il me semble. Et là, qui continuent à être un peu actives ou en tout cas à participer, il y en a 2 ou 3. Okay. Et vous comptez vous étendre sur Saint-Denis ou sur d'autres villes de Seine-Saint-Denis ou... Ben ça serait l'objectif. En fait, l'objectif, ça serait d'avoir une sorte de se battre pour un interdit qui est aucune famille des écoles qui se trouve à la rue. Donc pas d'expulsion et la mise des dispositifs d'hébergement et de relogement immédiat. C'était un peu le but du collectif. Et vous vous appuyez sur quels moyens pour vous faire connaître Alors, tous les moyens, on va dire, modernes, politiques. Et de la lutte. De la lutte. On a tout un tas de réseaux de militants et de militants, de personnes sympathisantes, de réseaux mail. On a aussi Facebook. On a aussi écrit énormément de communiqués qu'on a diffusé un petit peu partout. On a été assez médiatisés. Hein, il y a pas mal. Il y a France 3 qui est venu, Le Parisien. Enfin, il y a eu beaucoup de relais à cette lutte-là. Et voilà. Et puis aussi, surtout, on a une ville, Saint-Denis, qui est très mobilisée. Il y a c'est une ville très résistante et c'est un réseau aussi qui du coup s'est mélangé dans le collectif Pas d'enfants à la rue, qui s'est soutenu. Dans les occupations d'écoles, bah, il y avait plein de gens de la Tieké, il y avait plein de gens des syndicats. Et voilà. Et pour l'instant, votre collectif regroupe que des enseignants ou d'autres personnels d'école ? Alors, le collectif regroupe des enseignants, des enseignantes, regroupe aussi des parents mal logés et des militants et militantes de la ville pour le droit au logement. Pour le logement. D'accord, bah merci. Bah merci à vous. À moins que Clarisse ait une question. C'était super, merci Louise. Merci. Alors on passe maintenant à Jérôme. Bonjour. Bonsoir. Alors, le 20 mai, le Figaro Magazine a titré « Molenbeek sur scène » en désignant clairement Saint-Denis comme un foyer de terroristes. Alors, quelle est votre analyse de cet article et de cette une ? Alors, déjà, mon analyse, c'est que ce n'est pas un article. Enfin, parce qu'un article de journal, il doit répondre à des règles concernant la vérité, la vérification des faits qui sont rapportés et que la personne qui a écrit ce texte n'a pas fait son travail de vérification. Donc on a une qui est extrêmement stigmatisante puisqu'on reprend le mot de Molenbeek, donc c'est stigmatisant pour Molenbeek, c'est stigmatisant pour Saint-Denis. Et on est immédiatement dans l'idée générale qu'une certaine tradition française serait menacée puisque la une présente la façade de la basilique avec deux jeunes femmes voilées dont le visage est flouté devant. L'iconographie sera toujours la même. On a par exemple en fin d'article une petite photo de la nécropole royale avec des témoignages sur c'est là où est enterré Charles Martel qui a arrêté les musulmans à Poitiers. Donc on a vraiment une orientation idéologique sur l'islam menace la France et ses traditions historiques. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez mis en place pour contester cet article est... Alors, on est en train d'en parler là. Il y a l'action qui va être menée, le rendez-vous est donné samedi à 15h au métro Porte de Paris, une action de protestation. On est en train là, parallèlement, d'avoir un débat sur les autres actions à mener, pétitions, sollicitations du Syndicat national des journalistes. Puisque ce qu'il est important d'évoquer, c'est qu'il y a trois problèmes. La stigmatisation de la ville, de ses habitants, des musulmans, de l'islam, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est le fait qu'on masque les luttes sociales, par exemple celle dont Louise vient de parler. Et le troisième problème, c'est la question de quelle confiance on peut avoir dans les personnes qui se réclament du journalisme pour étaler autant de mensonges. Je donne juste un exemple de ce mensonge, de cette manipulation. La journaliste interroge à un moment un prêtre qui explique qu'il a du mal à acheter de la viande non halal en dehors des jours de marché ou à Carrefour. C'est un mensonge. C'est-à-dire qu'on sort à 2 minutes de la basilique à une boucherie charcuterie traditionnelle non halal. On a un Franprix, on a un Picard. À 10 minutes, on a un autre Franprix. Donc de la viande non halal, on en trouve sans aucun souci. Et la journaliste aurait dû le vérifier. Ça lui prenait 30 secondes, taper charcuterie dans les pages jaunes à Saint-Denis, elle l'aurait fait. Donc on a... On a un exemple d'impunité de personnes qui sont censées faire le devoir. Moi, je suis professeur en collège. On fait des travaux pratiques de journalisme avec les élèves. Et évidemment qu'on leur apprend ces règles de base de vérifier quelque chose qui a été dit par un témoin. De voir que des journalistes professionnels ne font pas ce travail est aussi insupportable que tout le reste, que la stigmatisation des habitants de Saint-Denis. Puisque vous parlez d'impunité, il a été question à un moment que le maire porte plainte. Est-ce que... Ça s'est concrètement réalisé. Alors ça ne s'est pas réalisé, il y en a qui le regrettent, mais là il y avait quelqu'un qui expliquait aussi que d'un point de vue juridique c'était assez compliqué, parce qu'en matière de droit de la presse, il faut que ce soit des personnes directement visées qui puissent porter pour diffamation. Donc ça n'est pas possible. Donc c'est un manque dans le droit de la presse par rapport à ça, mais il semblerait d'après le juriste qui était intervenu tout à l'heure que ça ne soit pas possible. D'accord. Et vous dites que vous faites de l'éducation aux médias dans votre collège. Et qu'est-ce qu'en pensent les élèves de cette une ? Alors, je n'en ai pas encore parlé. J'attendais un tout petit peu moi-même de me calmer parce que c'est jamais bon d'aborder avec les élèves des sujets sur lesquels on est soi-même très, très en colère. Donc, je verrai ça avec eux plutôt la semaine prochaine. Une fois que les actions de protestation seront passées, je serai peut-être un petit peu soulagé, j'aurai peut-être un peu déchargé ma colère. Et puis surtout, il fallait aussi un peu analyser vraiment de fond. Donc on a réalisé pour une analyse de fond de dossier qui fait 7 pages. Donc on démonte tous les mensonges qui sont proférés. Et on va la rendre publique, notamment dans le cadre d'une pétition qu'on va envoyer au Figaro Magazine. Bien, merci Jérôme. Puis à la prochaine. Alors, on continue cette émission avec Geoffroy. Alors, bonsoir, vous êtes également enseignant et vous êtes là pour nous parler de la mobilisation contre la loi travail à Saint-Denis. Alors, vous, qu'est-ce que vous reprochez à cette loi ? Qu'est-ce que je reproche à cette loi ? Ouh là là, il y a plein de choses. La loi travail, tout simplement, c'est une loi qui est faite par un gouvernement en fait, qui soi-disant est de gauche, mais en fait, il est soi-disant de gauche. Alors, je ne veux même pas m'arrêter que sur ce gouvernement, parce que je pense que ça fait 30 ans que enfin, ça fait 30 bonnes années que la politique sociale du gouvernement français, en fait, elle est là juste pour saper et pour mener en fait une lutte de classe, mais pas dans le bon sens. Voilà, elle est là clairement pour renforcer la précarité. Elle est là pour servir la sauce et le dessert au patronat. Voilà, on est là que pour ça. Enfin, c'est-à-dire, si on prend cette loi, alors je ne vais pas l'analyser dans les détails parce que je ne suis pas juriste par ailleurs, ce n'est pas ma formation. Puis moi-même, je suis dans le public, donc on va dire que mon boulot n'est pas directement impacté par le code du travail. Mais cette loi, si on la prend, elle est complètement antisociale. Je peux prendre un exemple, par exemple, la suppression de la visite médicale obligatoire dans l'année. Si vous prenez le milieu ouvrier qui, par exemple, en termes de suivi médical peut ne pas forcément avoir les moyens, etc. Parce qu'on sait que la médecine est cassée. Voilà, c'est une profession. Moi, mon père, par exemple, il travaille dans le domaine de la viticulture, en province, parce qu'il est à la retraite. Il est toujours extrêmement mal soigné. Il expliquait que la médecine du travail relevait notamment toutes les questions des cancers, enfin tous les boulots que les ouvriers trinquent et prennent sur la tronche. Quand on supprime cette visite médicale obligatoire, c'est juste un des pans peut-être minuscules dans leur travail, mais qui est essentiel, et on voit bien que c'est une loi antisociale. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'on enlève une visite médicale obligatoire? C'est un choix de classe. On veut attaquer le mouvement ouvrier, on veut les empêcher de s'organiser et donc de résister. Voilà. C'est une réforme économique. Ouais, c'est ça. C'est une réforme économique libérale. En fait, l'argument officiel du gouvernement, c'est de dire on va alléger le code du travail qui serait un goulet d'étranglement pour que l'économie elle démarre, qui serait un frein au chômage. Et en fait, c'est des conneries. Enfin, on peut aller voir en Espagne, on peut aller voir en Angleterre. Je vais vous prendre un exemple. En Angleterre, par exemple, il existe le contrat 0 heure, 0 minute. Voilà, qui serait censé endiguer le chômage. Alors oui, il y a des... Alors le contrat 0 heure, 0 minute, en fait, c'est un contrat où on peut vous embaucher, par exemple, pour aller diffuser des magazines dans la rue. Et en fait, vous faites ce contrat-là, puis vous pouvez multiplier ce contrat-là en faisant autre chose le lendemain, etc. Donc techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas sur les chiffres du chômage. Par contre, le seuil de pauvreté, il explose. C'est-à-dire que vous vivez avec un revenu complètement indécent. Et alors, sur les chiffres du chômage, effectivement, le chiffre est moins important. Mais par contre, la question d'un revenu minimum quand on ne travaille pas, elle est complètement pas là. Donc en fait, vous créez de la pauvreté tout en travaillant. En contournant donc les statistiques chômage, pas chômage. Voilà. Et quelles actions ont été localement organisées à Saint-Denis? Alors des actions de blocage économique principalement. Il y a eu qui touche à différents secteurs aussi. Mes deux camarades précédents ont parlé notamment des questions de logement. Par exemple, une des actions plus symboliques qui a été faite, ça a été, enfin pas que symbolique, mais il y a un nouveau hôtel qui vient de se construire à la Porte de Paris. 4 étoiles, qui est une véritable insulte quand on connaît les problématiques de logement sur la ville. Et du coup, l'existence de ce nouveau hôtel-là, il est juste là pour Saint-Denis et pour l'euro. Enfin, pas pour Saint-Denis, mais il est là pour l'euro, pour pouvoir loger des gens qui vont venir, pas les habitants de Saint-Denis. Par exemple, ça, c'est une problématique de logement. Je peux vous parler du blocage économique de Dubrac, là, le patron du MEDEF. On sait très bien, chef du MEDEF qui soi-disant traite bien ses employés, ses salariés, il les traite tellement bien que quand on a bloqué, donc c'était une action de blocage à laquelle les ouvriers ne pouvaient rien et ne pouvaient pas sortir, quand on est parti, il aura plus ou moins balancé le fait de mettre en place un dispositif qui s'appelle intempérie, c'est-à-dire que c'était à cause de la pluie qu'ils n'avaient pas pu sortir, ce qui est complètement faux. Et voilà. Donc les ouvriers ont été payés 80%, oui pardon, je ne l'ai pas dit. Du coup, le dispositif intempérie, la conséquence, c'est que vous êtes payé 80% de votre salaire. D'accord, et il n'y a pas eu d'autres blocages économiques à Saint-Denis? Parce qu'on entend beaucoup en ce moment les blocages de raffinerie, de dépôts de pétrole. On n'a pas encore bloqué des trucs de cette envergure, mais après on a quand même attaqué un sacré morceau de l'économie d'Île-de-France qui s'appelle le port de Gennevilliers et qui représente 1% du PIB, 1% des richesses nationales, donc qui est un truc hyper important. Enfin, on l'a fait, on a eu les CRS qui ont vite fait débarquer parce que l'enjeu était très important. Et tout ça, Geoffrey, tu peux juste nous expliciter dans quel cadre un peu s'est organisé toutes ces actions dont tu parles? La fameuse Assemblée Générale Interprofessionnelle. Qui est hyper important, cette Assemblée Générale Interprofessionnelle, en fait, c'est un cadre qu'on se donne collectivement Voilà, enfin, les Nuits Debout, elles ont souvent mis en avant le côté horizontal de la chose. Bah, je dirais qu'une AG Interpro, elle permet de donner un cadre où personnes syndiquées, non syndiquées s'organisent collectivement en étant en grève quand on est sur un travail, peu importe, mais en tout cas en se donnant du temps pour mener des actions qui touchent les habitants et habitantes, qui permettent de s'organiser collectivement. Voilà, cette AG Interpro, elle est née il y a 2 mois à peu près, enfin, j'ai plus la date exactement en tête, mais en gros voilà, ça réunit tous les collectifs de résistance en lutte sur Saint-Denis, que ça concerne la Tieké par exemple, qui fait des choses hyper intéressantes sur les questions de logement, enfin sur tout un tas de trucs, qui concernent des organisations syndicales, voilà, et du coup tous ces réseaux là, il y a une véritable, quand on parle de convergence, c'est pas un mot en l'air, c'est que l'AG de Saint-Denis, elle est assez connue et déterminée justement pour établir cette convergence des luttes qui est essentielle, parce que voilà, on gagnera pas chacune dans son secteur, on gagnera tous ensemble. Puis pour les auditeurs de Saint-Denis qui nous écoutent, quand est-ce qu'elle se réunit cette Assemblée Générale Interprofessionnelle? C'est formidable de poser cette question parce que c'est quand même important. Alors demain, vous préparez tous et toutes à venir à 10h30 à la Bourse du Travail. Ça sera à la salle Louise Michel. Et jeudi? Ah oui, c'est demain jeudi, pardon. Pardon, donc c'est demain jeudi. Mais t'as bien raison de poser la question parce qu'on est un peu perdu. Voilà. Jeudi 26. Voilà, donc jeudi 26, demain matin, venez toutes et tous à 10h30. C'est pas qu'une AG Saint-Denis, c'est une AG qu'on va élargir au 93. Voilà. Et puis pour nous donner un ordre de grandeur, il y a combien de personnes qui participent à cette AG Interpro? Dans l'ordre de grandeur, ce qui est intéressant, c'est de voir que le nombre, il augmente. On a commencé il y a eu la première où il y a eu beaucoup de monde, 120 personnes, après 200 étudiants qui nous ont rejoints parce que Paris 8 à ce moment-là, donc la fac de Saint-Denis, était très mobilisée. Après, on a eu beaucoup moins de monde, on était une petite cinquantaine, et là, la dernière fois, on est monté à 70, mais surtout avec de plus en plus de secteurs représentés. C'est vraiment une AG interprofessionnelle au sens où il y a eu des cheminots de la SNCF, des territoriaux, des profs, voilà, donc c'est ça qui est important. Donc plusieurs professions représentées, et est-ce que vous prévoyez des mobilisations pendant l'Euro 2016 qui se déroule maintenant dans 3 semaines? Des actions de blocage essentiellement Oui, c'est sûr que... Alors l'Euro 2016 elle est là, hein, mais c'est aussi que dans 14 jours, donc on a le temps de faire des choses avant. Mais bien sûr que l'objectif, il va être de s'intéresser à l'Euro 2016. Après, je ne vais pas pouvoir en parler publiquement comme ça. Mais parce que voilà, on est aussi un petit peu repéré. Hein, mais non, c'est évident que le gouvernement, s'il nous entend, il peut avoir très très peur. Parce que voilà, il n'y a pas que les raffineries, il n'y a pas que les dépôts d'essence, il n'y a pas que les centrales qui a priori sont en train de s'y mettre. Enfin, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde à surveiller. Et si jamais ils voulaient se mettre à réprimer, il va falloir qu'ils fassent très attention parce qu'il y a un ensemble, il y a une base à Solidaire. Enfin, la première Nuit Debout, c'était quand même 1000 personnes. 1000 personnes dans une ville qui s'organise, ça peut énormément s'élargir. Il faut qu'ils fassent très attention parce qu'en 2005, s'ils mettent trop le feu sur Saint-Denis, ça peut aussi s'essaimer avec moi, ce que j'appelle des révoltes, voire des révolutions 2005. Hein, c'était pas des émeutes, c'était des révoltes, faut qu'on soit clair là-dessus. Et attention au retour de bâton si jamais ils voulaient réprimer le mouvement social concernant l'euro en amont et après. Et est-ce que tu sais concrètement, Geoffrey, ce que ça risque de changer l'Euro 2016 à Saint-Denis? Si les Nuits Debout, par exemple, pourront continuer à se tenir? Si l'interprofessionnel va être chamboulé ou non? Concrètement, parce qu'il y aura des fan zones, enfin, ou une fan zone au moins? Une au Parc de la Légion d'honneur. Par exemple, il y a quelque chose qui est... alors là, je vais parler de manière très locale et pas au nom de la Interpro Saint-Denis. Moi, je suis professeur à côté du Stade de France, voilà, dans l'école Rachel Carson, qui est une école juste à côté du Roi Merlin. Que va-t-il se passer? On a eu une réunion, hein, d'ailleurs, où gentiment les gens de l'UEFA ne sont pas venus. C'était une représentante de l'Amérique qui est venue. Et qui, par exemple, on lui a posé une question très claire, c'était de dire comment on fait pour se rendre à l'école? Comment on fait pour se rendre à l'école? Il va nous falloir des papiers, il va nous falloir quelque chose. Et la réponse, elle a été très floue. Ça a été de dire, écoutez, c'est la préfecture de la police qui gérera avec des CRS les entrées pour que vous puissiez accéder à l'école ou pas. Donc on sait très bien ce que fait la préfecture, elle demande des cartes d'identité, que va-t-il en advenir des personnes qui sont sans papier, qui sont nos parents d'élèves, entre autres. Voilà, donc la question elle n'est pas réglée du tout, et je peux vous dire que les habitants du quartier, autour de l'école Rachel Carson, là, ils sont aussi très en colère. Donc les mobilisations elles vont être multiples à mon avis. Je vous remercie Geoffrey, on aurait bien continué à parler avec vous, mais on est rattrapé par le temps. Et on va continuer avec des prises de son du débat, si l'équipe de FPP est là, Radio Debout. Et voilà, le débat continue. Merci à vous. nationale. Dîner débat sur les Molenbeek de France avec comme invité d'honneur, donc organisé par la droite forte, avec comme invité d'honneur Robert Ménard. Est-ce qu'il y aurait des personnes qui seraient intéressées pour organiser un petit rassemblement devant, une petite fête surprise à 15-20 voilà, qu'on se tienne au courant autour de ça. Je reste encore un petit peu ici, donc n'hésitez pas à venir me voir. Voilà, moi j'avais envie de visuel sur Robert Ménard, le qualifiant d'expert en crotte de chien, puisque vous savez que sa dernière grande mesure, c'est de prendre l'ADN de tous les, de ficher l'ADN de tous les chiens de la ville, pour pouvoir verbaliser les gens qui ne ramasseraient pas leur crotte de chien. Je trouve que en matière de priorité urbaine, c'est super. Alors. Par ailleurs, ce qu'on fera aussi, c'est que donc on a fait ce soir avant le débat des photos devant la basilique pour répondre au visuel du Figaro Magazine. Donc on mettra en circulation, on diffusera ces photos pour qu'elles soient le maximum, qu'elles circulent, qu'elles soient diffusées sur les réseaux sociaux comme une opposition, comme une réponse aussi à ce que fait le Figaro, une réponse fabriquée par les habitants de Saint-Denis. Je pense qu'on peut peut-être arrêter là le débat et puis de toute manière se donner rendez-vous Nuit Debout c'est tous les mercredis donc sûrement mercredi prochain. Voilà. Oui. En fait je voudrais dire un texte de Raymond Devos, un texte poétique. Mesdames et messieurs, je vous signale tout de suite que je vais parler pour ne rien dire. Oh, je sais, vous pensez, si elle n'a rien à dire, elle ferait mieux de se taire. Eh bien non, mesdames et messieurs, moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres. Et vous-même, mesdames et messieurs, si vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle, on en discute. Je ne suis pas ennemie du colloque. Mais me direz-vous, si on parle pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien de rien. De rien, car rien ce n'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien égale moins que rien. Et si l'on peut trouver moins que rien, c'est que moins que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec moins que rien. Et pour pas cher, en le multipliant. Une fois rien, rien. Deux fois rien, c'est pas beaucoup. Mais alors trois fois rien, avec trois fois rien, on peut acheter quelque chose. Et pour pas cher. Maintenant, si vous multipliez 3 fois rien par 3 fois rien, alors rien multiplié par rien égale rien. 3 multiplié par 3 égale 9. Cela fait rien de 9. Bon, c'est pas la peine d'en parler, voilà. Parlons maintenant de la situation, quelle qu'elle soit, sans préciser laquelle. Souvenez-vous, la situation, pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Nous allions à la catastrophe. Nous le savions, nous en étions conscients. Car il ne faudrait pas croire que les responsables d'hier étaient plus ignorants que ne le sont ceux d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce sont toujours les mêmes. Or, que voyons-nous aujourd'hui, c'est que la catastrophe, elle est toujours pour demain. Alors, je vous demande, mesdames et messieurs, est-ce en remettant toujours la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons? D'ailleurs, je vous signale, entre parenthèses, que si le gouvernement actuel n'est pas capable d'assurer la catastrophe, il est possible que l'opposition s'en empare. Et voilà, on est toujours sur Radio Debout. On est le 86 mars, si mon agenda révolutionnaire est à jour. Et on est cette fois-ci à Saint-Denis, puisque Radio Debout a eu le courage et l'audace de traverser le périphérique. C'était difficile. On est donc devant le parvis de la basilique de Saint-Denis, dans le soleil couchant. Et c'est magnifique décor. Magnifique décor, Mathilde, pour accueillir à nos côtés Amel qui est syndicaliste et qui fait partie de Sud Territoriaux à la ville de Saint-Denis. Oui, tout à fait. Alors, bonne réponse. tout de suite, Amel, on va venir un peu sur les formes que prennent les mobilisations contre la loi travail ou la loi El Khomri ici. Mais peut-être que tu peux nous dire un peu comment vous voyez la situation aujourd'hui. Il y a eu, ça s'est un peu accéléré ces derniers jours, le blocage des raffineries, les pénuries d'essence. Comment vous voyez la situation du mouvement social aujourd'hui? Bah, c'est une situation là qui est pleine d'espoir. Voilà, nous à Saint-Denis, on est mobilisés depuis le 9 mars avec toutes les grandes manifestations, etc. Et c'est vrai que le fait de voir que là, ça commence à se lever dans des grands secteurs du privé, que les cheminots, même si Sudrail a fait une grève d'une semaine reconductible, l'arrête mais la reprend le 31 mai dans l'unité avec la CGT, ça c'est un réel espoir. Que les raffineries, y ait autant de détermination, que le secrétaire de la CGT soutient les grèves reconductibles et appelle à les construire, que les centrales nucléaires s'y mettent, enfin, c'est complètement inespéré. Il y a aussi, c'est pas un épiphénomène parce que c'est quelque chose qui est rare, mais je vais donner un exemple. Là, j'ai contacté ma camarade de l'Union locale CGT, puisqu'on travaille en intersyndical aussi à Saint-Denis, et elle me disait qu'il y a eu une assemblée générale tout à l'heure au Landy, qui est le site SNCF qui est basé dans le quartier de la Plaine à Saint-Denis, qui a eu une assemblée générale avec 100 cadres qui étaient présents, voilà, pour appuyer la grève et l'organiser. Elle m'a dit ça, on s'est du jamais vu à Saint-Denis, quoi. Donc là, on sent que ça commence à bouger et je vous avouerai que même si on est hyper mobilisé, on aura l'occasion d'en parler à Saint-Denis depuis le 9 mars, on est un certain nombre de militants à n'y croire que depuis un ou deux jours, en réalité. Voilà, donc on a dit c'est nécessaire, on y va, mais maintenant on commence à y croire. Voilà. Alors, est-ce que, justement, parce que tu représentes les territoriaux, la loi travail, c'est un vaste chantier qui remettra en cause le droit du travail dans toute une série de domaines. En quoi est-ce que vous, vous êtes concerné? En quoi est-ce que vous êtes impacté par le chantier de la loi travail? Alors c'est vrai qu'on est complètement à la marge, c'est plutôt sur les questions de médecine du travail que ça se pose, mais en réalité, quand on fait nos tournées syndicales, moi je me suis dit, bon, on va faire la tournée, on va avoir l'air d'un ovni parce que ça concerne pour l'essentiel le privé. Sauf qu'en fait, nous, on est fonctionnaires et précaires, déjà, donc chez nous, par exemple, les animateurs qui sont très précaires, il y en a beaucoup qui pensent n'être que de passage à la mairie et qui ensuite bosseront pour beaucoup dans le privé, donc ils sont concernés. Et puis surtout, la grève a été beaucoup suivie par des catégories C, c'est-à-dire c'est alors la fonction publique. Voilà, c'est le bas de l'échelle. Il y a A, B, C, et les C, c'est ceux qui, voilà, c'est les ouvriers, les agents, les moins rémunérés, etc. Donc beaucoup des agents de service dans les écoles, voilà, qui ont des maladies professionnelles, etc. En fait, c'est majoritairement des catégories C qui se sont mis dans la grève. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, on sait très bien que la fonction publique est cassée tous les jours et que l'avenir de nos enfants est menacé. Donc on se projette dans de telles défaites qu'on pense que nos gamins ne pourront même pas devenir fonctionnaires. Et donc cette loi travail, elle concerne nos gamins, elle concerne nos conjoints, elle concerne les habitants avec lesquels on travaille. Dans un territoire aussi discriminé, avec autant de gens au chômage qui sont en galère tous les jours, cette loi travail, elle va encore plus assommer les gens. Et donc nos conditions de travail, nous, d'accueil, de services publics, de soutien à la population, vont se dégrader. Donc on aura de plus en plus de gens qui vont péter les plombs au service social, qui vont être en souffrance. Et notre conception du syndicalisme, c'est que c'est usagers et salariés, on doit être tous ensemble pour défendre le service public et les intérêts de la population. Alors je voulais juste faire un pas de côté parce qu'au-delà de cette loi, il y a un certain nombre de municipalités, je ne connais pas l'exemple concret de Saint-Denis, où les dotations de l'État sont de moins en moins moins en moins importantes, les budgets des municipalités, des départements se réduisent et la mission de service public est de plus en plus difficile à exercer. Est-ce que j'imagine que vous aussi vous êtes percuté par ça? Comment ça se traduit? Eh ben, ça se traduit par un discours de la municipalité qui dit « Ah, l'État est dégueulasse, il est en train de nous baisser les dotations d'État, donc on est discriminé, donc on va se battre contre l'État. » Mais en même temps, ils appliquent du coup cette austérité, ils l'appliquent vis-à-vis des collègues et vis-à-vis de la population. Donc en fait, maintenant, c'est moins 5%. chaque année sur le budget global. Moins 5%. C'est énorme. En fait, c'est énorme. Surtout cumulé sur plusieurs années. Voilà, sur 3 ans et moins 5%. C'est même pas des décisions politiques à dire on va réduire tel truc et garder tel truc. C'est, on nous dit moins 5% dans tous les services. Donc c'est de la gestion en réalité. Donc voilà, donc du coup, il y a des mobilisations qui existent, mais qui sont éparses, qui ne sont pas assez organisées. Il y a des choses à construire en fait. Voilà. Alors revenons sur la mobilisation ici à Saint-Denis. On a vu un peu le cadre général de la loi, mais quelle forme ça prend ? Est-ce que ça s'organise seulement entre territoriaux ? Est-ce que vous avez un rassemblement plus large ? Je connais un peu la réponse, mais peut-être raconter un peu ce qui se passe sur Saint-Denis, sur la scène Saint-Denis en termes de mobilisation. Alors en fait, le problème qu'on a à Saint-Denis, mais qui est un problème national, c'est qu'il y a des personnes qui sont motivées pour le retrait de la loi travail et qui vont manifester. On les voit dans les manifestations, les cortèges, les têtes de manif où il y a de plus en plus de monde en dehors des syndicats et où il y a aussi des syndicalistes qui vont aux côtés de la jeunesse et même en même temps qu'il y a des gars qui cassent des banques sur les côtés, il y a des gens qui manifestent au milieu de manière pacifique et une envie d'en découdre. Donc sur Saint-Denis, la difficulté qu'on a eue comme ailleurs, c'est que les dates de mobilisation étaient trop éloignées les unes des autres. Donc faire grève 2 jours en mars, puis une journée en avril, puis un jour en mai, puis finalement 2 jours de suite en mai, etc. C'est compliqué à gérer parce que ça veut dire qu'on a un rythme qui n'est pas soutenu et c'est quand les jours de grève sont rapprochés qu'on peut se réunir en assemblée générale, coordonner nos actions, décider que le matin on fait une action, ensuite une assemblée générale interprofessionnelle de grévistes, donc tout secteur confondu, c'est ouvert à tout le monde. Après on va en manif à Paris. Le problème qu'on avait avec ces dates qui étaient très éloignées, c'est qu'on n'arrivait pas à avoir un souffle continu. Et en fait, grâce au mouvement de la Nuit Debout, on s'est retrouvé à dépasser. Alors l'AG interprofessionnel, l'intérêt, c'est que ça dépasse les syndicats. C'est qu'il y a beaucoup de syndiqués dedans, évidemment, mais que ça dépasse les syndicats. C'est qu'à un moment donné, on se dit que s'il y a une logique syndicale, corporatiste, qui ne veut pas sortir de la mairie, c'est le cas à la mairie, les syndicats ne vont pas à la rencontre des autres secteurs. Bon, c'est le cas pour Sud, mais on est un petit syndicat, on est le plus petit de la mairie. L'AG interprofessionnel permet de fédérer les gens les plus déterminés grévistes, de décider d'actions, de rendre publiques les actions et de mettre un peu le why. Et avec la Nuit Debout, ça nous permettait de nous retrouver tous les mercredis. On en a fait une première, c'était un super succès. Il y a eu, je ne sais pas, 600-700 personnes qui sont passées sur toute la première Nuit Debout. Et donc, du coup, on a alterné les rendez-vous du soir, du mercredi soir, avec les assemblées générales en fonction des journées de grève. Et du coup, ça nous a permis d'avoir un rythme. Ça nous a permis de lier la question des salariés sur les territoires avec la question des habitants déterminés. Et ça nous a permis de lier la question de la loi travail avec la question des discriminations territoriales. Parce que, bon, je pense que les copains en ont parlé avant, on manque de profs, on manque de soignants à l'hôpital. On fait la queue de 300 mètres à la CAF, on fait la queue de 300 mètres à la poste, ils nous ferment des postes dans les quartiers. En fait, tous nos services publics sont en train d'être attaqués et en attendant, on nous parle de religion au lieu de nous parler de services publics. Et nous, on dit, habitants et salariés de la ville, on est tous ensemble. Donc, si on est obligé d'être en grève pour discuter ensemble, c'est un frein aussi. Donc, trouvons des espaces publics et la Nuit Debout nous permet d'être dans des espaces publics où, sans distinction de syndicats, travailleurs ou usagers. Et là, on est tous ensemble. Et donc, du coup, ça nourrit la dynamique dans l'entreprise comme à l'extérieur et quelles que soient les convictions syndiquées ou pas syndiquées. Et tu dis que vous êtes tous ensemble dans une ville de banlieue comme Saint-Denis, peut-être que ces coupures, ces blocages de raffinerie, ça peut justement rendre le mouvement contre la loi travail, l'opposition à la loi travail un peu impopulaire, non ? Est-ce que ça scinde pas en deux la population de Saint-Denis ? Moi, j'ai pas l'impression, parce que voilà, je discutais avec la tabatière tout à l'heure. En fait, quand on prend le temps de discuter avec les gens, mais pas longtemps, il y a un tel mécontentement vis-à-vis du gouvernement que c'est très facile de retourner l'argumentaire et de l'avoir en notre faveur. En fait, entre ceux qui ont voté Hollande et qui sont dégoûtés, ceux qui sont à droite et qui sont dégoûtés de toute façon, et quand même la conscience que le gouvernement, chaque gouvernement est pire que le précédent. Donc il y a une réelle colère qui est là. À partir du moment où nous, on est en train de dire, vous voyez, vous avez vu, on a bloqué Dubrac. Dubrac, c'est l'ancien président du MEDEF 93. Quand on commence à expliquer ça, les gens disent, ah ouais, quand même, vous avez raison, on est en train de galérer, etc. Et le fait que ce qu'on fait, nous, petits collectifs de grévistes, etc., en même temps, en venant sur la place publique et en lâchant pas l'affaire depuis 2 mois, les gens se disent, ah bah ouais, d'accord. Donc eux, ils sont déterminés, mais maintenant, il y a plus de pétrole. Donc s'il n'y a plus de pétrole, c'est que c'est quand même la merde et c'est qu'il y a quand même un fond légitime à ça. Donc les gens vont s'organiser. La solidarité à Saint-Denis, on connaît. Donc on organisera la solidarité aussi, quoi. Mais il y a quand même besoin de cet argumentaire. Ah oui, toujours. Mais le truc, c'est que quand même les gens ont conscience qu'on aura plus de misère. Plus le temps avance, plus il y aura de la misère. Alors, ce qui est compliqué, c'est d'expliquer qu'il n'y a jamais eu autant de richesse et autant de pauvreté. C'est ça qui est l'argument un peu compliqué. Mais quand on montre simplement le fait d'être déterminé, solidaire, voilà, je sais pas, là, sur la nuit debout, on a prévu de faire des massages. J'ai été voir la tabatière, je lui ai dit, au fait, si vous voulez venir, quand même, avec toutes ces manifs, on se prend des lacrymos, avec tous ces jours de grève que vous avez vus, avec toutes ces debout, on est un peu fatigué, vous nous voyez, mais on prend soin de nous, on va se masser si vous voulez, vous. Voilà, il y a aussi de l'humour, il y a de l'inventivité et du coup il y a de la respiration, voilà, c'est bien quoi. Amel, la soirée ici, Nuit Debout à Saint-Denis, a pris prétexte d'un article assez violent du Figaro sur Saint-Denis, en parlant de l'islamisation à Saint-Denis. On en a beaucoup entendu parler, mais avec l'idée qui fait un peu écho à ce que tu disais tout à l'heure dans notre entretien, que la religion sert un petit peu de paravent et de nous inventer des problèmes de religion permet de masquer un peu les problèmes sociaux qu'on rencontre. Comment tu vois cette question-là, l'articulation entre la Seine-Saint-Denis qu'on désigne comme le territoire du nouveau Molenbeek, alors que pour y avoir vécu très longtemps, moi aussi, je sais que c'est surtout le territoire de la sous-dotation des services publics, par exemple. Oui, puis c'est aussi un territoire qui a une histoire populaire et ouvrière très importante de lutte. Et je pense que c'est pas innocent que cet article sorte maintenant. Parce que là, on a des enjeux avec la loi travail. Je vais faire le lien entre les deux. Mais la loi travail, donc on est très déterminé. Ça fait 2 mois qu'on y est. À Saint-Denis, il y a un enjeu clé. C'est l'Euro 2016. C'est le Stade de France. Ah d'accord, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a la baballe. Et on lâche pas l'affaire. On est là tous les mercredis, les soirs. Et on continue nos luttes, quoi. Donc, en fait, plus nos luttes sociales s'ancrent, plus ils nous parleront de religion pour stigmatiser la ville et qu'on ne parle pas des luttes sociales. Mais nous, on ne va pas se faire avoir, on ne va pas se diviser. Je vais juste donner un exemple. Moi, ma fille, elle est scolarisée dans une école à Langevin. C'est l'école Langevin, c'est au cœur d'une cité. C'est une cité qui est très populaire, avec aussi beaucoup de mamans qui ne travaillent pas, avec beaucoup de familles monoparentales. Il y a beaucoup de mamans voilées dans cette école. Et en fait, les parents et les mamans se mobilisent pour l'école. C'était hier, on est quel jour aujourd'hui? Je ne sais plus, on est mercredi. Aujourd'hui, il y avait école déserte dans l'école. On avait passé Mémoire d'immigrés en trois parties, parce qu'on trouve que c'est un film qui donne la parole aux gens et donc ça ouvre le débat. Donc les mamans, c'est majoritairement des mamans, ont pris la parole. Et à la fin du cycle des trois projections, finalement, on a décidé de s'unir pour défendre l'école de nos enfants, parce que c'est ça la vraie question. Et quand on discutait, moi je disais, vous voyez, moi je suis athée, il y a des mamans qui sont musulmanes, mais quand il s'agit de défendre nos enfants, on n'en a rien à faire d'avoir un voile ou pas. La question, c'est qu'on soit unis ensemble pour défendre l'avenir de nos enfants. Et elle est là, la vraie question sociale. De la même manière que plus on arrivera près de l'Euro 2016, plus nous parlerons de religion et nous, on leur dira, non, nous, c'est lutte sociale et vous ne nous séparerez pas avec des histoires de religion. Mais c'est la stratégie de la droite de toute manière, tout le temps. C'est au lieu de parler de dynamique sociale, il faut parler de thématique sécuritaire. C'est ça leur stratégie, en fait. Exactement. Exactement. Moi, je voulais juste rappeler quelque chose. En 2003, on a eu des luttes sur les retraites qui étaient très importantes. Il y a eu dans l'éducation nationale une grève qui a duré un mois et demi, qui était très très forte, qui a, même si on a perdu, qui a soudé beaucoup les enseignants. Et juste quand on a eu la défaite des retraites, ils nous ont sorti la loi qui interdit les filles qui portent le foulard à aller dans les écoles. Et ça a redivisé les syndicalistes, les gens qui avaient trouvé une belle unité. Et là, on ne se fera pas avoir. En tout cas, pas ici. Alors, tout à l'heure, en préparant avec toi cet entretien, on a évoqué décembre 1995, ouais. Et tu avais les yeux qui brillent et tu nous as dit que c'était un moment poétique. Alors, 20 ans après, quel souvenir tu en gardes, toi, de décembre 1995? La mobilisation contre le projet de réforme des retraites d'Alain Juppé, voilà. Déjà Premier ministre à l'époque. Et on a gagné, il a retiré son projet. Moi j'avais la vingtaine à l'époque, je me souviens d'une manif où il neigeait absolument et il y avait des fumigènes, c'était magnifique. Et je me souviens qu'à l'époque, je sortais de chez mon amant, on était tous les deux, et c'était la rue Ménilmontant donc, qui descend, et donc c'était l'hiver, et on s'arrête devant un arrêt de bus et on voit plein de gens assis à l'arrêt de bus. On leur dit, mais vous savez que c'est la grève? Ils nous disent, oui, mais qu'est-ce que vous faites d'attendre? Ils disaient, on est bien là en fait. Et en fait, c'était beau, les gens prenaient leur temps. Moi, j'avais une mobylette, on me l'avait piquée à l'époque, donc je faisais du stop et les gars en mobylette en fait, me prenaient en stop. Et il y avait du covoiturage, une solidarité de ouf. Et les gens, par rapport à la question que tu posais tout à l'heure, les gens avaient pris acte que la lutte, que la grève, qu'il n'y avait plus de, voilà, qu'il y avait plus de transport en commun et que maintenant, on allait faire autrement. Et pendant un mois, il y avait de la poésie, de l'espoir. Et moi, c'est ce que j'espère là dans ce mouvement. J'espère. Et sous le soleil, ce sera encore mieux, quoi. C'est vrai. Eh bien, écoute, Amel, merci beaucoup pour ton intervention. On est toujours donc à Saint-Denis, de l'autre côté du périph, en Seine-Saint-Denis. On est avec Radio Debout et si je ne me trompe pas, on va retourner écouter ce qui se dit dans le débat, dans l'Assemblée Générale de Saint-Denis qui se tient devant la basilique. Qui s'appelle les Chagossiens. Et ça, de Diego Garcia, il y a une base militaro, on va dire, britannico-américaine, où les B-52 partent pour bombarder en Irak, dans la péninsule arabo-persique. Dans l'océan Indien, il y a la base militaire de Djibouti. Et à Mayotte, il y a la plus grosse base d'écoute aussi, française, en Outre-mer. Donc, comment ? Ouais, je pensais que vous vouliez dire quelque chose. Bon, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus aux Comores, et dans le canal du Mozambique, il y a du pétrole, il y a du gaz. Il y a des ressources en termes d'hydrocarbures beaucoup plus importantes qu'en mer du Nord. Donc, ce qui se passe, c'est que la départementalisation de Mayotte, c'est pas du tout, comment dire, quelque chose qui est tombé du ciel comme ça. C'est qu'il fallait organiser ça, il fallait sanctuariser quelque chose de très très important pour la France. Vous regardez autour, dans ce côté-là de l'océan Indien, c'est toutes les îles qu'il y a au large des Comores et de Madagascar appartiennent à la France. Et donc Mayotte, et même la partie indépendante des Comores, est une partie française, tout simplement. Mais pourquoi cette politique de la France ? Les Comoriens ne comprennent pas. Alors qu'on pourrait faire une politique tout autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de diviser, il ne faudrait pas tous ces morts, et aujourd'hui, il ne faudrait pas ces expulsions. Or, si demain, il y a un Mahorais qui se retrouve, comment dire, mort, ou un Comorien, un ressortissant Comorien d'une autre île, qui se retrouve assassiné, tout d'un coup, ça va partir et il va y avoir une explosion de violence. Et on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Parce que tout ça, c'est, pour moi, c'est quelque chose qu'on recherche. Et c'est important, justement. Je vois qu'ici, il y a pas mal de mouvements, qui s'intéressent à ce genre de choses, hein, sur les, que ce soit en Palestine, que ce soit, comment dire, ici, par rapport au quartier. Voilà, on est avant tout des êtres humains. Donc, c'est important, en tout cas, de savoir ce qui se passe. Moi, je terminerai juste par un petit texte. Ça s'appelle, que j'ai écrit il y a longtemps, « Rebelles et belles Comores, ce si petit pays, ô combien cher dans nos cœurs. Il est quelque part perdu entre l'immensément fier continent noir et la sculpturale Madagascar, quatre perles si ravissantes les unes que les autres, différentes et pourtant semblables, baignées de lumière lunaire, dans la splendeur du si mystérieux océan Indien. Ces quatre joyaux, à la valeur inestimable, répondent au nom charmeur de Comores. Comores, Comores, Comores, île de la lune, c'est dire l'origine de leur ascendance. Royalement astrale et divinement marine, ce petit coin de quiétude africano-orientale, se composant de Moélie, Mayotte, Anjouan et Grande Comore, demeure très prisé, surtout par les pseudo-paysamis, à savoir la France-Afrique. Pour finir, une infime mais non moins sincère pensée à mon cœur. Ce sultan bafoué par qui l'on sait, l'État français et autres traîtres comoriens ayant vendu leurs frères, sœurs et la terre si chère. Puisse Dieu les pardonner, pas moi, Kodo, Ama. Kodo, Juzurul Kamar n'est pas mort. Sa lumière éclaire notre trésor. J'ai très mal aux Comores, hein, mais j'ose espérer que Nzouani, Gazidja, Mwali, Namaore cesseront leur furie curelle, car à 41 ans d'indépendance, hein, le pays ne peut de nouveau rater le wagon de l'histoire. Bas, bas, Tulieroho, calme ton cœur. Alors juste une chose, quand vous verrez la lune là, sachez que vous voyez les Comores, et nous on voudrait voir une pleine lune. Parce qu'actuellement chez nous là c'est un peu l'éclipse. Voilà. Vous êtes toujours sur Radio Debout. Radio Debout est en direct de Saint-Denis à passer la frontière du périph, parce que nous, on n'est pas que des Parisiens. Et oui, on va même sur place. On va rencontrer les gens qui font le mouvement contre la loi travail. Et donc là, nous sommes devant la basilique de Saint-Denis. Le soleil se couche petit à petit. C'est super joli. La pierre dorée scintille au soleil. Oui, je suis poète. Et avec moi, il y a donc Moustapha qui fait partie du centre social autogéré Latieke. Salut Moustapha. Salut Mathilde. Mais je suis pas là en tant que centre social autogéré Latieke en fait. Je fais partie aussi de l'émission au fond près du radiateur tous les mardis sur la PPS 106.3. Mais c'est quand même intéressant de le préciser. Oui, ouais, bien sûr. Mmh. On est plusieurs ici d'ailleurs. Ouais. Et on est en compagnie de Mehdi, qui est un petit jeune qui a l'habitude de faire des émissions de radio également. Sur Radio Déclic. Et Malek. Ouais, bonsoir. Je suis habitant de Saint-Denis. Je suis habitant de Saint-Denis et je participe aux nuits à Saint-Denis debout et Nuit debout République, etc. Et au mouvement social qui est en cours en ce moment. Mais pourquoi, Malek, tu t'intéresses à Nuit debout et t'es présent ? Tu peux me dire les raisons qui te motivent à venir ? J'ai la chance d'être au chômage depuis quelques temps par choix. Suite à des années au travail, l'oppression qu'on connaît tous, chacun dans nos métiers, quelle que soit la branche, etc. Moi, Nuit debout, ça a permis, c'est l'idée de convergence, de se retrouver à plusieurs, de sortir chacun un peu de ses habitudes de militantisme, bien que pour essayer de faire quelque chose ensemble, quoi. Voilà. Et Saint-Denis debout, l'idée c'était de créer un espace pour les habitants, pour les militants de Saint-Denis, pour qu'ils puissent aussi se retrouver en dehors de leurs organisations. Et on pourra peut-être en parler après du côté un peu formateur ou encartant des syndicats, des partis qui moi m'a empêché qui m'a empêché de militer pendant des années. Voilà. Bon, on pourra en parler tout de suite même. Je vois pas pourquoi après. Parce que en fait, il y a une catégorie de la population quand même qui est assez frustrée. C'est plutôt la catégorie, on va dire, sans travail, sans logement et autres, qui ont du mal à voir quel impact auraient les luttes sur la loi, contre la loi El Khomri, en fait, sur leur vie quotidienne. Parce qu'ils ont assisté à pas mal de luttes, t'as eu le CPE, t'as eu les retraites, t'as eu des tas de luttes qui sont faites depuis des décennies. Et en fait, t'as une solidarité qui est demandée par les salariés en général dans ce cadre-là des luttes, et en l'occurrence sur la loi El Khomri qui casse un petit peu le code du travail. T'as une solidarité très forte qui est demandée de la part des salariés et des syndicats en général, à mener des manifs, à faire des grèves, à venir faire des blocages économiques ou autres. Mais en général, sur les questions de fond sociétal, le logement ou reformuler le monde du travail, on les entend rarement et on ne voit jamais intervenir ni d'initiative. Parce que l'initiative là actuellement est de la part du patronat et des politiques, des partis, quels qu'ils soient, que ce soit de l'extrême droite ou de la gauche ou de la droite traditionnelle, qui eux mènent la danse, qui eux ont déjà reformulé le monde du travail en fait, sans proposition claire, sans nous en parler, sans discussion, sans quoi que ce soit. Donc ils le reformulent de mille et une manières. On peut voir l'automatisation qui est à l'œuvre dans les aéroports par exemple, chez Air France ou autres, ou dans les caisses de supermarchés. On peut voir également les délocalisations qui sont nombreuses dans des pays à moindre coût salarial et autres. On peut voir aussi l'externalisation du travail dans le sens où on utilise des boîtes de sous-traitance plutôt que d'embaucher des salariés et autres. Et du coup, on se pose la question, pourquoi la GIA Interpro ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ouais. Et qu'est-ce que ça peut apporter pour tout le monde ? Alors, la forme de l'AG Interpro déjà. L'AG Interpro, c'est un collectif qui se réunit autour des luttes à Saint-Denis, avec des gens de différentes organisations syndicales, mais aussi des précaires comme toi, comme moi. L'idée, c'était de se retrouver en dehors des organisations syndicales pour pouvoir enfin réfléchir en dehors des branches. C'est-à-dire que le travail syndical, par définition, il est lié à une entreprise, il est lié à un corps de métier, il est lié à une corporation, et que par essence, ça rend les gens opaques, pas comment dire. Ça les formate au fait à leur réalité professionnelle. Alors que le monde qu'on est en train de nous préparer, que tu décrivais là, par l'État ou les entreprises, Lui, en revanche, ne voit pas de différence entre les travailleurs. C'est les méthodes qui sont appliquées. Moi, je viens du monde du spectacle, par exemple. Les méthodes de management, les méthodes de rentabilité qui sont appliquées dans l'industrie ont de plus en plus tendance à s'appliquer dans le monde du spectacle, par exemple, ou à l'hôpital, ou dans le système, dans le service public. La convergence de l'oppression, entre guillemets, c'est déjà une réalité, alors que nous, on est en train d'essayer de construire la convergence des luttes. Je pense que voilà, le boulot qui nous reste à faire est la forme de la G-Interpro. Ça permet... alors, je vais séparer les choses. Je précise que tu n'es pas syndiqué et que tu participes, tu as la même voix que des syndiqués. En fait. C'est ça qui est génial. C'est que c'est un espace où, en tant que précaire, en tant que chômeur, parce que à part la coordination des intermittents et précaires qui s'était montée en 2003, qui essaye de défendre une politique sur le travail autrement, etc., des collectifs de précaires, il n'en existe pas vraiment. Il existe dans des petites formes, dans des squats autogérés, on a l'exemple à la Tiéké, mais c'est très rare. Et je veux dire, on est souvent dans des questions d'auto-organisation dans des petits collectifs, mais on a beaucoup de mal à ouvrir aussi sur le monde du travail, sur le travail ou non d'ailleurs. Donc l'AG Interpro, sans vouloir faire vraiment la publicité, bien que ça le mérite, c'est que chacun amène ses idées, chacun amène sa réalité. Et ça permet surtout, comme je te disais, c'est ce truc de pluralité, des méthodes, des façons de travail, ça permet de remettre les choses à plat. C'est une sorte de nuit debout de syndicalisme, de travail syndical militant, quoi. Voilà. Mehdi ? L'AG Interpro qui se réunit demain, jeudi 26 mai à 10h30 à la Bourse du Travail pour ceux qui nous écoutent et qui sont à Saint-Denis. Yes, exactement. Mehdi, il me semble que tu es collégien en troisième, c'est ça ? C'est ça. Et de ton point de vue, comment tu vois les choses, en fait ? Que ce soit la nuit debout, que ce soit les luttes actuelles ou Je pense que c'est une bonne chose que le peuple se manifeste contre un gouvernement qui se revendique de gauche mais qui ne l'est pas vraiment. C'est important, je pense. D'accord. On a Darius qui vient de nous rejoindre et qui fait au même titre que moi partie du collectif La Tiéké. Bon, moi j'y étais hébergé à une période, maintenant j'y suis plus hébergé. Par contre, je participe plus, non. Mais Darius habite là-bas aussi. Bonsoir. Bonsoir Darius. Tu peux nous parler du centre social autogéré La Tiéké ? Qu'est-ce que c'est d'abord ? Pour l'instant, je vais vous parler un peu de moi. Je m'appelle Darius, je suis Rome de Roumanie, je suis en France depuis 4 ans. Et je suis ici, j'ai arrivé ici, j'ai fini ma école en Roumanie, j'ai arrivé ici pour travailler, pour faire des sous, pour continuer mon étudie. Et j'arrivais ici comme un immigrant et j'ai trouvé du travail, j'ai travaillé et après maintenant j'ai travaillé avec une association La Voix des Roms. Oui, tu peux nous en parler, tu peux nous dire qu'est-ce que La Voix des Roms et qu'est-ce qu'ils font. La Voix des Roms, c'est une association de Roms contre les discriminations des Roms de Bidonville, de tous les Roms à Paris. Et moi, je travaille à l'association La Voix des Roms, je fais un service civique. Et mon travail, c'est pour partir. Quand il y a des familles de bidonville lors des camps et tout ça. C'est, pour exemple, la famille fait le dossier pour l'hôpital, pour l'école, pour n'importe quel. Et le dossier s'est refusé et tout ça. Nous, on va intervenir parce que c'est pas légal pour refuser le dossier. Et on intervient pour faire des procès et tout ça, pour débrouiller les personnes de la station. J'imagine que vous soutenez les campements roms, vous soutenez les familles. Oui, voilà, on fait la colombe, la famille nous parle. C'est quoi la station, on va faire la traduction pour l'hôpital, pour les besoins et tout ça, pour trouver du travail et tout ça. Quand la police, pour exemple, qu'il y a des personnes dans la rue, ils cherchent de l'argent et tout ça, la police les prend n'importe quel motif, les prend comme ça pour faire la garde à vue, ils tapent et tout ça. Illégalement, on est intervenu aussi là-bas. D'accord. Vous avez un site ou une adresse sur oui, Internet? Oui, c'est... Je ne connais pas dans ma télésite. Bon, bah, j'imagine la... si on tape la voix des Roms sur le moteur de recherche, voilà. On tombe dessus directement. Oui, oui. Et du coup, pourquoi tu es là? Parce que ça fait depuis le début de Nuit debout, je te vois tous les jours à la cuisine en train de en fait, des petits plats et tout ça. La première année, j'étais en appartement et après, en 2013, j'ai ouvert la première squat à Massy-Palaiseau. Et après, quand j'ai ouvert la première squat, après, avec des collectifs et plusieurs personnes, on a ouvert plusieurs squats à Saint-Denis pour les personnes dans la rue. Et depuis 3 ans, on a ouvert un squat qui s'appelle ATK. Là-bas, j'habite toujours là-bas, dans l'ATK. L'ATK, c'est un squat avec 40 habitants, ces personnes dans la rue. Et c'est un collectif autogéré, c'est ça? Oui. Avec il y a des habitants qui résident là-bas et autres, il y a aussi des non-habitants qui participent au lieu. Oui, il y a 40 habitants et il y a un collectif, ils n'habitent pas là-bas, il y a un collectif pour faire des activités, des papiers de logement, des cours de français, plusieurs activités, on fait des concerts de solidarité, quand il y a des manifs, des expositions et tout ça, pour soutenir plusieurs associations et tout ça. Mehdi? Et d'ailleurs, il y a quelques temps, il y a eu des menaces d'expulsion du centre social, justement. Et qu'est-ce qu'il en est maintenant? Bah, depuis 2015, octobre, on est plus des dates des process. On est, peut-être qu'il a oublié de nous, je ne sais pas, on n'est pas des process. On D'accord. attend la date des process. Bah, En fait, il y a le dernier procès qui est en attente, okay. Mais qui n'est toujours pas arrivé. Mais du coup, tu as tout un tas de procédures judiciaires qui ont duré pendant 2 ans et demi à peu près. C'est, si je ne me trompe pas, et la lettre du dernier procès, la convocation au tribunal n'est toujours pas arrivée. Mais je vois qu'il y a aussi quelqu'un d'autre qui vient d'arriver, qui s'appelle Gladys, qui travaille sur Saint-Denis, et qui elle aussi, au même titre que Malek ou Darius, on voit régulièrement sur les nuits debout de Saint-Denis. Du coup, tu peux me dire pourquoi tu es là, en fait? Est-ce que tu pourrais rentrer chez toi, tranquille Oui, c'est vrai. Et après le travail, tu restes... Pourquoi je suis là? Je travaille à Saint-Denis, je travaille dans une association... qui à la base a été créée il y a 32 ans par des femmes de Saint-Denis, des femmes françaises et des femmes étrangères. Une association qui s'appelle Femmes de Framoisins. D'accord. Là-bas, c'est de l'alphabétisation. Donc il y a des femmes qui arrivent qui ne parlent pas du tout français. Il y en a d'autres qui le parlent mais qui ne l'écrivent pas. Alors après, il y a soit une volonté d'apprendre le français pour la vie quotidienne en général, ou alors il y a aussi le côté administratif, c'est-à-dire que quand il y a des demandes de papier, si les femmes ne parlent pas français, si elles ne l'écrivent pas, en général les papiers sont refusés. Voilà. Moi je suis animatrice là-bas, je ne fais pas d'alphabétisation, je m'occupe du côté culturel et social. Il y a une permanence sociale pour toutes ces femmes, pour les aider dans leur démarche administrative. Et le culturel, c'est les sorties de Saint-Denis, les sortir du quartier de Framoisins. Et moi, il y a un truc sur lequel je m'attache beaucoup, c'est essayer de créer avec les femmes des moments familiaux. Parce que c'est des femmes qui se retrouvent dans des situations où elles sont souvent toutes seules à la maison, à s'occuper des enfants, à s'occuper de la maison. Et je pense que pour elles, pour nous, celles qui sont nées ici, où, à un moment, c'est chiant. Donc les faire sortir de la maison et leur trouver des moments où elles sont en famille, mais où c'est du plaisir. Donc c'est un autre côté que j'essaye de développer, qui marche pas mal. Et pourquoi je viens à Nuit debout? Je viens à Nuit debout parce que j'ai rencontré des gens qui m'en ont parlé déjà. Et Nuit debout, je pense que c'est un bon moyen déjà pour faire des connaissances. J'ai rencontré plein de gens que j'ai dû croiser 200 fois, à qui j'ai pas dit bonjour parce que on est tous dans le boulot, dodo, et qu'on n'a pas le temps. Ouais, je confirme, en fait, je me connais Gladys et Malek, pareil, dans le cadre de Nuit debout et des luttes qu'il y a au niveau de la loi El Khomri. Voilà. Donc moi, je sais que déjà ici, j'ai rencontré des gens avec qui je vais garder des contacts, même si Nuit debout ne perdure pas, ce que je ne souhaite pas. Et je viens parce que je pense que c'est important, c'est un moment où les gens, collectivement, ils prennent conscience de certaines choses. On essaye ensemble de trouver des solutions. C'est pas facile, mais la lutte chacun de son côté, elle est quasi impossible. Donc je pense que chacun dans nos vies, on fait notre petite révolution. Et quand on vient à Nuit Debout, on la fait ensemble et ça a plus de poids. Et tous les deux, que ce soit Gladys ou que ce soit Malek, vous avez un sentiment de frustration parfois que vous ressentez ou... De frustration ou par rapport à ce qui se passe C'est vrai que on aimerait tous que les choses aillent plus vite, qu'on arrive à trouver des solutions à nos problèmes. C'est vrai que dès les premières Nuits Debout, ce qui s'est dit à Saint-Denis, c'est des choses qu'on n'entendait pas à République. Des histoires de problématiques de logement, des problématiques sur l'éducation, du remplacement des profs à Saint-Denis et dans la Seine-Saint-Denis de façon générale. On a des problématiques de relogement, des victimes des attentats par exemple. On a toute cette réalité-là là, qu'on vit concrètement et sur laquelle il y a pas mal de gens qui se mobilisent à Saint-Denis. Et cette réalité-là, le fait de la vivre, ça nous met, elle apparaît de façon plus directe à Saint-Denis. Et c'est quelque chose d'hyper important dans ce sens-là. Du coup, la frustration, il n'y a pas vraiment de frustration. Il est de réussir à créer un événement dans la ville complètement pirate, c'est-à-dire on est passé d'un événement où on demandait plein de choses à la mairie, au service culturel par exemple, à un événement depuis plusieurs semaines maintenant où on est complètement autonome. On arrive à créer un espace dans la ville, à trouver des moments dans la ville de plusieurs heures où les gens sont les bienvenus, c'est ouvert aux quatre vents, et on fait des choses collectivement, on fait à manger, on occupe l'espace à plusieurs, à plein, et dans une sorte d'autogestion, dans une organisation collective en tous les cas. Et déjà, ça, c'est une petite victoire en soi, en fait. Et est-ce que tu penses que les gens qui sont à Nuit Debout aujourd'hui et puis dans les semaines précédentes représentent vraiment la population dionysienne? C'est une super question, Mehdi, merci. Représentatif, je ne sais pas qui est représentatif en fait. Cette question de représentativité, je pense que c'est aussi on est tellement habitué à ce qu'on demande à avoir des représentants d'eux. Cette ville, elle est divers, et comme le monde entier. Le monde entier est un peu, je veux dire un gros mot, le monde entier est un gros bâtard en fait. C'est-à-dire que le monde entier est un mélange de gens, de cultures. Et alors, est-ce que c'est représentatif? Non, mais c'est sûrement représentatif de la réalité militante de Saint-Denis, sur le nombre de collectifs qu'il y a, sur le nombre de mobilisations qu'il y a, et sur le côté très militant de la ville et combatif de la ville. Je trouve que c'est hyper représentatif. Et solidaire. Moi, je voudrais ajouter quelque chose à ce que vient de dire Malek par rapport à ta question qui est sincère en fait. Parce que tu as beaucoup de gens qui, quand ils arrivent sur les Nuits Debout, que ce soit à République ou à Saint-Denis en l'occurrence, s'attendent à avoir des gens de quartiers dits populaires, s'investir en masse et genre je sais pas quoi, qu'est-ce que vous faites ou pas. Moi je suis issu de quartier populaire en fait, je suis de cité, j'ai pas de thunes, tu vois ça. Ça fait longtemps que je suis sans travail, j'ai grandi en cité. J'habite plus en cité parce que je suis en galère de logement en fait, et du coup là je me suis retrouvé dans une coloc, excuse-moi. Mais du coup je suis un mec de cité, un mec de quartier populaire et tout, mais on est à l'image de tout le monde. La plupart des gens chez nous sont fatigués, n'ont pas spécialement envie de lutter ou perdre son temps pour des choses auxquelles ils ne voient pas de résultats ou de solutions immédiates. Et on a tous été usés en fait par des décennies de lutte. Et on arrive au bout du rouleau. Donc il y a très peu de gens de cité ici, comme il y a très peu de gens aussi de quartiers riches ici, ou de la petite bourgeoisie ou moyenne, ou ce que tu veux quoi en fait. Mais Saint-Denis, c'est aussi une ville qui cristallise pas mal en fait dans la société. Et quand je dis la société, c'est au niveau national. Saint-Denis, c'est le 93. Saint-Denis, c'est les Francs-Moisins. Saint-Denis, c'est... Quand tu vois le titre du Figaro par rapport à Saint-Denis, de moi ouais. Le mec à Saint-Denis, faut vraiment être un journaliste stupide, en fait, et pas savoir son taf. Oui, c'est une bêtise. Pour avoir peur du salafisme, il n'y a pas plus apolitique que le salafisme. Au même niveau que l'établir, c'est des gens qui obéissent à la loi, quelle que soit la loi, et à l'État, et qui ne forment quasiment aucune critique. Donc c'est assez culotté de faire un travail comme ça en parlant de terrorisme ou autre, alors que ces gens-là ne sont absolument apolitiques et ils sont loin du terrorisme. Et désinformés de la réalité aussi. Désinformés de la réalité, surtout que les médias ne disent jamais que la France, la République française est engagée dans des guerres et des conflits depuis des décennies dans des pays, qu'elle fabrique elle-même le terrorisme en fait, qu'elle a elle-même ordonné des assassinats politiques par rapport à des dirigeants que ce soit en Afrique ou en Asie ou autre. Ça, les médias n'en parlent pas. Donc le premier responsable du terrorisme en France, en fait, c'est le président de la République, ses ministres, le gouvernement, et tout ce qui va avec. Mais du coup, Gladys, je voudrais que tu me parles un petit peu des framboisins, excuse-moi Malek, parce que là, il nous reste 2 minutes, donc je vais laisser 1 minute à Gladys, 1 minute à Malek pour conclure également. Au niveau des framboisins, quand tu discutes avec les habitants, les gens, ouais, dans le contexte actuel de l'état d'urgence, de la loi El Khomri et des luttes, est-ce qu'il y a quelque chose, des choses qui se disent, des choses qui transparaissent? Moi, je discute avec des habitants et avec les femmes qui viennent à l'association. Clairement, elles sont saoulées par tout ce qui se passe autour de l'islam, parce que c'est vrai qu'on a une partie des femmes qui viennent à l'association qui sont musulmanes. Maintenant, nous, ça ne nous pose pas de problème. Je veux dire, on ne demande pas quelle religion elles sont. Je veux dire, elles sont les bienvenues, quelles qu'elles soient. Mais il y en a certaines qui en ont marre d'entendre parler tout le temps de l'islam, qu'elles soient stigmatisées à cause du port du voile ou du fait qu'elles mangent halal ou je ne sais quoi d'autre. Après, les habitants, ils sont... Je travaille aussi avec les associations et les maisons de quartier du quartier de Framboisin. La plupart sont militants. Et je veux dire que nous, on n'est pas sur cette question-là. Je veux dire, ça, c'est une question de journaliste. Nous, c'est pas notre réalité de savoir qui est musulman, qui vient de Molenbeek ou de Saint-Denis. Je veux dire, on est des habitants, on est des êtres humains et on fait les choses ensemble, on essaye de les faire bien. Ce biais-là, et les médias, une fois de plus, nous disent on est otage des grévistes. Moi, je trouve qu'on n'est pas otage des grévistes. On est otage du système médiatique, on est otage de BFM, on est otage d'ITélé, on est otage de ces démocrates, de ces électeurs, on est otage de ce système politique, mais on n'est pas otage des grévistes. Merci en tous les cas. Merci beaucoup, Malek. Bon, c'était Malek, Gladys, Darius et notre petit jeune arrivant qui est Mehdi. Merci Moustapha, merci Mehdi. On est de nouveau à l'antenne, désolé pour ces petits soucis techniques. Et on enchaîne en musique cette émission Radio Debout qui se déroule devant la basilique de Saint-Denis. On a 3 musiciens dionysiens avec nous ce soir qui nous ont accompagnés toute la soirée. Et ils vont jouer à nouveau un morceau de musique. Le morceau de musique, c'est Yara Aya de Daman El Arachi, une chanson poétique et douce sur l'exil. On les écoute maintenant. غافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح دايا وتولي شحال المولى عباد الغافلين قبلك وقبلي العامرين والبر الخالي شحال ضيعت وقت شحال مازال تخلي يا الغايب في بلاد الناس شحال داية وما تجري فيك وعد القدرة ولا زمان وانت ما تدري يا الرايح وين مسافر تروح داية وتولي شحال ندم العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح دعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي في بلاد الأشحال تعيا وما تجري في بعد القدرة ولا زمان وانت ما تدري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال الملا عباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال الملا عباد الغافلين قبلك وقبلي De Radio Debout, on a fait un petit intermède musical et le truc qui était très chouette, amis auditeurs, c'est qu'il y a des gens de la Nuit Debout de Saint-Denis qui sont venus pour chanter dans le micro avec les musiciens. Et alors donc, Radio Debout, là, fait un petit interlude artistique. Vous avez eu de la musique et vous allez avoir donc des poèmes avec deux membres d'un collectif de poésie qui s'appelle l'EISPI, l'École Internationale Supérieure de Poésie Intercontemporaine. Le long, bien entendu, est un peu parodique. Et donc là, ils vont vous présenter quelques textes, dont des textes de leur fanzine poétique qui s'appelle Cactus. Et donc, c'est un cactus Nuit Debout, puisque ce sont des textes qui ont été écrits à la Nuit Debout. Et on va commencer avec un texte qui a été écrit après les émeutes de Baltimore, si j'ai bien compris. C'est parti. 2015. J'ai allumé la télévision du voisin hier parce que je n'en ai plus depuis 2 ans. Il paraît que Baltimore brûle. À 22h, les forces de l'ordre qui survolent la zone en hélicoptère avec un mégaphone braillent d'un ton monocorde. Veuillez évacuer la zone. Veuillez évacuer la zone. Les ombres armées ont des coquilles sur les membres, ressemblent à des insectes. Ils n'ont d'humains que leur taille. En bas, au sol, il y a un Afro-Américain, les bras comme le Christ, debout sur une carriole qui crame. Plus loin, une opulente femme noire brandit une pancarte jaune sur laquelle il est écrit « S'il vous plaît, rentrez chez vous, c'est le couvre-feu ». Il crie « ta gueule, va te faire foutre » à la dame en noir et jaune. Il y a des lumières blanches qui tombent des hélicoptères, des poursuites. Le ciel a maintenant des yeux laser blancs et une voix mécanique. Le ciel peut poursuivre. Baltimore ressemble à de la science-fiction. J'ai ouvert le journal hier. Les dirigeants ont signé un traité avec les États-Unis. Ils l'ont appelé « l'axe du bien ». C'est un accord ultra-libéral. Monsieur le marquis de Monsanto veut enterrer ses œufs sous la terre de France. Liberticide. Le mot est intéressant, il se termine comme pesticide. L'oncle Sam veut des esclaves, les jolies colonies de vacances. Tous les jours, il voudrait que ça recommence. J'ai eu un frisson en pensant, et si ce soir, le peuple de Baltimore voulait rester debout? Et si le couvre-feu n'était pas respecté? Et si Baltimore voulait danser toute la nuit sur du cuivre ou de l'électro? Des balles pleuvraient du ciel. Il y a une grosse fourmi armée jusqu'aux dents tous les 3 mètres le long des bâtiments. C'est aussi là l'œuvre des dirigeants. Il s'agit d'un texte plus local, donc qui a été écrit par rapport à ce qui s'est passé à Place de la République. C'est dans la cabane éléphant. On a pris des bouts de bâton, on a construit une maison autour d'un lampadaire. La rue, c'est chez nous. Chacun rentre dessiner des mots sur les murs. Le loup viendra sans doute souffler sur tout cela. On reconstruira. En carton. On remettra des bouts de bois, des bouts de rien, des bouts de rêve. Bout à bout, on battra un toit pour habiter dessous. On s'y regroupera dans le bruit de nos idées, dans le chaud de nos débats. Ma révolution ressemble à un abri. Les murs sont les mots de nos questions. On a fait tomber la maison éléphant. Les gavroches iront se cacher ailleurs. Le jardin a disparu. Mais tout repousse. La musique agite encore la place et la danse reprend. Les corps froissés s'y redressent. La parole circule dans tous les corps. À la sortie du métro, le cœur bat plus vite. Crainte que tout n'ait disparu. Qu'il n'y ait plus rien que la fumée bleue des lacrymos, le bleu des casques, le froid des boucliers, le devoir des CRS. Le jardin n'a pas repoussé, mais quelques tulipes fleurissent au pied des arbres. Il y a des moments comme dans un rêve. C'était cette nuit, 1h, place de la République. Une femme passe à côté de groupes accroupis. Ils sont barbus, tous ces jeunes. C'est vrai, il y en a même un qui porte des plumes sur son chapeau. Deux jeunes à même un qui porte des plumes sur son chapeau. Deux jeunes près d'une camionnette où des mots sont accrochés à des ficelles. Il apprécie peut-être pas les autocollants. Il le colle finalement sur le pneu. En 2017, n'élisons pas. Alors, on a eu une petite panne de courant, hein. Ça c'est Radio 2 toujours. Donc on va continuer après cette petite coupure avec des poèmes écrits autour de la nuit debout. Ils sont barbus tous ces jeunes. C'est vrai, il y en a même un qui porte des plumes sur son chapeau. Deux jeunes près d'une camionnette où des mots sont accrochés à des ficelles. Il apprécie peut-être pas les autocollants. Il le colle finalement sur le pneu. En 2017, n'élisons pas. Les cris attirent le regard, les mots se multiplient sur la place par tous les moyens possibles. Ils font écho aux hommages aux victimes des attentats au pied de la statue. Des archivistes ont récolté ces témoignages d'après les attentats. Qui récolte la parole des vivants, debout? Une porte en carton déguisée se déplace. Elle est triangulaire dedans. Des gens s'embrassent dessous dans les odeurs de fêtes foraines. Près d'une pancarte, un homme parle des banques. Il a une voix agréablement sobre. Des gens écoutent. Une tête apparaît derrière la mienne, disparaît. Pourquoi résumer un mouvement si ce n'est pour le priver de toutes ses directions? Retour place de la République. La révolution est un jeu d'enfants, cortège, mouvement, cabanes improvisées. Une maison éléphant a poussé cette nuit. On tend des fils pour accrocher des banderoles colorées. On pend des pantins aux arbres. Dimanche au soleil, un jardin a fleuri dans la nuit. Je suis mathématicien, posez-moi des questions. Les sciences debout se sont regroupées au même endroit. Ils s'interrogent mutuellement. La curiosité est une chose difficile. Judith. Alors, en plus d'écrire ce qu'elle pensait de Nuit debout, le SPI a aussi fait quelques exercices d'écriture debout, notamment pendant la manifestation de je ne sais plus quel jour de mars, c'est difficile de s'y retrouver à force. Et donc, il y en avait un où il fallait inventer le lendemain de la Nuit debout. Ah, on s'est bien marré hier soir. On a failli gagner, on a failli vaincre. Quand j'ai quitté les copains, il y en avait une poignée qui parlait de marcher, jusqu'à l'Elysée. Ah, qu'on s'est amusé. Ah, qu'on a bien failli leur faire peur. Tant que ça restait pour rigoler, hein. On a montré qu'on était là, on a montré nos gros bras, ils ont eu peur, et on aura ce qu'on aura. C'est là-dessus que je suis rentré chez moi. Après toutes ces nuits debout, je me suis endormi. Je vais faire ma part, de doux rêves de révolution. Les copains ont dû prendre leur quart aussi, mais demain, on recommence. Ah, qu'on sait bien. Mais tout ça, c'était pour marcher sur l'Elysée. Ah, ah, qu'ils ont dû avoir peur, les... Voilà qu'au réveil, j'allume la télé et j'apprends que ça a marché. Le président s'est barré pendant que je dormais. Ils l'ont chopé à Varennes, qu'il paraît. Et sans moi. Et tous mes copains sont ministres ou députés. Alors, toujours dans la lignée de cet exercice... On a un autre texte. Lundi matin, l'aurore avait un drôle de goût. Je vais commencer par dimanche, l'heure à laquelle il fallait bien rentrer. Dormir, faiblesse du corps. Les plus vaillants sont restés sur la place. Moi, j'ai tiré jusqu'au bout. Je vais retrouver mes couvertures, mon logis à loyer avec la chevillette, la bobinette et les plats tout préparés. Après une marche sauvage, les lacrymos et leur drôle de balai, rien de tel qu'un king sandwich pour digérer. Mais voilà, lundi matin, l'aurore avait un drôle de goût. On avait libéré les autruches, défoncé les canassons, retourné les enseignes et suspendu les dirigeants. Les murs étaient enfin rendus à leurs aquarelles premières. La fille du tabac distribuait les tickets gagnants et la banquière pleurait cachée sous le bureau. Dans la nuit, la salle des coffres avait été remplie de serpentins. Je suis venue afin de brouiller mes empreintes, venue pour enlacer mes racines aux vôtres. Je suis venue pour me libérer, me faire bouffer, avaler, digérer, pour oublier toute parole polisse, toute propreté poreuse. Je suis venue pour nous tisser les os, que mes os deviennent S, deviennent SOS. Je suis venue pour tresser mes évidences, pour que l'étoile retrouve sa nuit. Je suis venue pour... aiguiser mes libertés. Et donc c'était des textes, ça, de l'EISPI, qui est l'École Internationale Supérieure de Poésie Intercontemporaine, qui est un titre, hein, bien entendu, qui est un titre parodique. Et puis, on voudrait vous lire aussi des textes qui s'appellent « La haine de la démocratie » de Jacques Rancière. D'ailleurs, Yann, tu vas faire des lectures demain à partir de 16h. Voilà, c'est ça. J'ai eu la chance de voir Jacques Rancière parler de l'occupation, des lieux, donc notamment de ce qui se passait, Place de la République et de Nuit Debout. Et ça fait 2 mois que je dis qu'il faut que je lise ce texte sur cette place. Donc comme je crois aux sollicitations et aux signes, je vais m'obliger à le faire vis-à-vis des auditeurs de Nuit Debout. Donc c'était un texte qui est la fin de la haine de la démocratie. Donc je vous invite à venir écouter comment on arrive à cette fin, qui est la fin d'un essai politique, mais qui montre que poésie et politique peuvent se réconcilier sans trop de difficultés et avec beaucoup d'espoir. La démocratie n'est ni cette forme de gouvernement qui permet à l'oligarchie de régner au nom du peuple, ni cette forme de société que règle le pouvoir de la marchandise. Elle est l'action qui sans cesse arrache au gouvernement oligarchique le monopole de la vie publique et à la richesse la toute-puissance sur les vies. Elle est la puissance qui doit, aujourd'hui plus que jamais, se battre contre la confusion de ses pouvoirs en une seule et même loi de la domination. Retrouver la singularité de la démocratie, c'est aussi prendre conscience de sa solitude. L'exigence démocratique a été longtemps portée ou recouverte par l'idée d'une société nouvelle dont les éléments seraient formés au sein même de la société actuelle. C'est ce que socialisme a signifié. Une vision de l'histoire selon laquelle les formes capitalistes de la production et de l'échange formaient déjà les conditions matérielles d'une société égalitaire et de son expansion mondiale. C'est cette vision qui soutient encore aujourd'hui l'espérance d'un communisme ou d'une démocratie des multitudes. Les formes de plus en plus immatérielles de la production capitaliste, leur concentration dans l'univers de la communication, formeraient dès aujourd'hui une population nomade de producteurs d'un type nouveau. Elles formeraient une intelligence collective, une puissance collective de pensée, d'affect et de mouvement des corps, propre à faire exploser les barrières de l'Empire. Comprendre ce que démocratie veut dire, c'est renoncer à cette foi. L'intelligence collective produite par un système de domination n'est jamais que l'intelligence de ce système. La société inégale ne porte en son flanc aucune société égale. La société égale n'est que l'ensemble des relations égalitaires qui se tracent ici et maintenant à travers des actes singuliers et précaires. La démocratie est nue dans son rapport au pouvoir de la richesse. Elle n'est fondée dans aucune nature des choses et garantie par aucune forme institutionnelle. Elle n'est portée par aucune nécessité historique et n'en porte aucune. Elle n'est confiée qu'à la constance de ses propres actes. La chose a de quoi susciter de la peur, donc de la haine, chez ceux qui sont habitués à exercer le magistère de la pensée. Mais chez ceux qui savent partager avec n'importe qui le pouvoir égal de l'intelligence, elle peut susciter à l'inverse du courage, donc de la joie. Merci beaucoup Yann, merci beaucoup Marine. Donc je rappelle que vous faites partie du collectif qui s'appelle l'EISPI, École Internationale Supérieure de Poésie Intercontemporaine. Vous faites des lectures régulièrement, vous venez sur la place des fois et vous venez lire des extraits de Cactus. C'est très chouette, au début il n'y a que 5 personnes autour de vous qui en plus. Et on récolte. Et en plus vous récoltez un petit peu des sous quand même. Des poèmes. Pour pouvoir... publier des cactus et c'est vraiment très chouette, on incite beaucoup les auditeurs à venir vous écouter. Là-dessus, nous, on va enchaîner avec notre prochain intervenant. Voilà, donc notre prochain intervenant qui est Alain Krivine. Bonjour. Bonjour. Alors je suis désolée, on va devoir finir cette interview, enfin commencer cette interview avec les moyens du bord. Donc Alain Krivine, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez été une des figures de mai 68, puisque donc, vous faisiez partie à cette époque-là des JCR, des Jeunesses Communistes Révolutionnaires. Et donc j'aimerais qu'on évoque avec vous ce parallèle entre mai 68, le mouvement de mai 68 et le mouvement actuel d'opposition à la loi travail, et puis aussi les grèves de décembre 95, où il y avait eu notamment des paralysies du secteur de l'énergie, etc. Alors déjà, dans les mouvements de mai 68 et dans le mouvement de Nuit Debout, il y avait eu un rôle très important de la jeunesse. Est-ce que c'est la même jeunesse dans mai 68 et aujourd'hui ? Non, je crois que c'est pas la même. C'est pas la même, d'une part sur le plan numérique et sur le plan social. Bon, sur le plan numérique, en 68, il y avait un immense mouvement de la jeunesse. À l'époque, il devait y avoir 300-400 000 étudiants. Et ils ont joué un rôle clé, mais massif, y compris avec un syndicat qui, à l'époque, était très nombreux, l'UNEF, et qui aujourd'hui est un truc tout petit, dirigé par des dissidents du PS, mais qui est tout petit. Bon, aujourd'hui, il y a plus 500 000 étudiants, il y en a 2 millions. Mais la grosse différence, c'est que la plupart de ces étudiants, maintenant, travaillent. La moitié d'entre eux travaillent pour gagner, pour payer leurs études. Ce qui fait qu'en 68, on avait peut-être moins d'étudiants, mais il y avait moins de liaisons ouvriers-étudiants, parce que pour un étudiant, c'était tous des enfants de Bourges. Et il y avait un début d'arrivée d'enfants des couches moyennes, mais très peu. Alors aujourd'hui, ça c'est l'aspect positif, c'est que la grande majorité des étudiants, à mon avis, travaillent. C'est pas la peine de leur faire la leçon sur les liaisons avec le mouvement ouvrier parce qu'ils connaissent, ils travaillent à McDonald's, ils sont vendeurs, ils sont etc. Par contre, il n'y a pas un mouvement aussi important aujourd'hui qu'en 68. Les assemblées étudiantes, il y a du monde, mais on est vachement content qu'on est à 400-500 par fac. Il y a une coordination étudiante qui s'est mise sur pied parce que l'UNEF joue aucun rôle, mais elle regroupe quelques centaines d'étudiants. Donc on ne peut pas dire qu'on a affaire à un grand mouvement jeune, et chez les lycéens encore moins, qu'en 68. Donc à la fois c'est plus positif la situation des jeunes, et en même temps c'est plus négatif parce qu'ils jouent un rôle moins important. Et du coup la liaison ouvrier-étudiant, elle était complètement artificielle en 68, elle s'est faite au niveau de la répression, quand il y a eu la prise de la Sorbonne par les flics, etc. Mais en gros, le mouvement ouvrier était dirigé par la CGT et le PC, et je me rappelle des manifs où on était complètement isolés, quoi. On apparaissait comme des gauchos, et la liaison avec le mouvement ouvrier... Bon. Aujourd'hui, il y a une liaison peut-être plus forte, mais 10 fois plus minoritaire qu'en 68. Et alors il y a la question des violences policières aussi, puisque ces heurts entre manifestants et policiers, c'était déjà le cas en mai 68. Est-ce que c'est les mêmes violences policières ? Non, là encore, je crois qu'il y a une différence. D'abord, pour être franc, en 68, il aurait pu y avoir des dizaines de morts, comme il y a eu au Mexique. Bon, il faut reconnaître que les flics parisiens n'ont pas tiré sur la foule. Il y a eu plusieurs manifestants tués, mais il n'y a pas eu... je veux dire, d'aspect dramatique comme on aurait pu s'y entendre. Bon, à l'époque, le préfet de police était au PS. Hein. D'ailleurs, ce con-là, il est venu nous remercier en disant que c'est un peu grâce à nous qu'il n'y a pas eu de débordement. Bon, là, aujourd'hui, là, je trouve, moi, personnellement, que sur le temps, la répression est beaucoup plus organisée, violente qu'en 68. En 68, il y a eu des manifs réprimés violemment, des centaines de blessés, mais pendant... l'ère des manifs, quoi, de 2-3 jours. Là, aujourd'hui, sur une longue durée, et avec l'état d'urgence, on a une répression calculée, organisée, structurée, avec des jeunes qui en prennent plein la poire, plus de 1000 gardes à vue, etc. Je trouve qu'il y a une répression qui est organisée de façon gouvernementale, qui n'existait pas en 68. Disons qu'en 68, les violences étaient plus au niveau de bavure. Aujourd'hui, c'est structuré, organisé par le gouvernement qui se dit de gauche. Alors mai 68, c'est connu en France, notamment pour ce côté révolution sociétale avec la libération du rôle de la femme, etc. Est-ce que vous en attendez, tu en attends la même chose de Nuit Debout ? Ouais, alors d'abord, faut faire gaffe. En 68, le mouvement des femmes, le mouvement des homosexuels, etc. Il est né après 68, mais c'est 68 qui a aidé à le faire naître. Mais par exemple, pour prendre un exemple, sur les barricades, il y avait moitié de femmes, moitié d'hommes. Mais quand on regarde les dirigeants de 68, il y a aucune femme. Donc le mouvement des femmes, il n'existait pas en 68. Les femmes, comme dans le film de Romain Goupil, Mourir à 30 ans, elles jouaient un rôle de cuisinière. Hein. Et c'était tout le scandale. C'est après 68 qui est vraiment né. Alors grâce à 68, hein, le mouvement, les mouvements culturels et tout. Pour ça, quand il y a des bourgeois qui présentent 68 comme un mouvement de révolution sexuelle où on faisait du zizi à longueur de journée, c'est des conneries. 68, c'est d'abord une grève générale ouvrière de plusieurs semaines, de plus de 10 millions d'ouvriers avec drapeau rouge sur les usines. Et le mouvement gay, le mouvement des femmes, etc., il est né grâce à 68, mais après 68. Donc faut pas faire d'erreur là-dessus. Alors, tu parles de grève générale, c'est un des aspects qu'a pris la mobilisation en ce moment, avec les grèves notamment dans le domaine de l'énergie. Et là, on pense tout de suite à décembre 95, et quand les transports ne circulaient plus, par exemple. Est-ce que cette situation te fait un peu penser à la même chose? Et quelle est la réaction, les réactions du public? Bon, moi, je suis plus prudent. Je pense que ce qui a d'équivalent à 68, c'est le ras-le-bol contre le gouvernement, sauf qu'en 68, c'était un gouvernement de droite. Aujourd'hui, il paraît que c'est un gouvernement de gauche. Mais il y a un ras-le-bol qui est absolument identique. Par contre, la notion de grève est vachement plus compliquée aujourd'hui qu'en 68. D'abord, il n'y a pas la liaison étudiant-ouvrier pour les raisons que j'ai indiquées. Aujourd'hui, par exemple, les étudiants préparent leurs examens et les lycéens aussi. Donc, j'ai peu d'illusions sur le fait qu'ils vont descendre massivement dans la rue. Et en ce qui concerne la classe ouvrière, déjà en 68, c'était une peur de mutation. Aujourd'hui, elle est pas achevé, mais elle est très forte. T'as plus de grosses usines. Renault-Billancourt, il y avait 30 000 ouvriers en 68. Je me rappelle quand on a été leur apporter notre solidarité. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc t'as à la fois, il y a plus de grosses usines, il y a beaucoup de précaires, il y a beaucoup de chômeurs. Il y a une division du mouvement ouvrier vachement plus forte qu'en 68. Il y a une conscience de classe qui est plus faible. Par rapport à décembre 95 aussi, la nouveauté, si on peut dire, c'est que le mouvement de grève, il est local, il est par branche. Par exemple, effectivement, mais ça peut être un détonateur. Hein, aujourd'hui, par rapport à l'essence, le blocage, je trouve que c'est hyper important. Il faut soutenir à fond. Maintenant, il y a, comme pour les manifs, il y a une hésitation qui n'existait pas en 68, parce qu'aujourd'hui, il y a la peur de perdre son boulot, il y a la peur de la répression, il y a la peur des casseurs, il y a en même temps un soutien total aux manifs. C'est très compliqué ce qui se passe dans la tête des gens. Les gens choisissent leur manif, choisissent leur grève, mais on n'a pas le même élan qu'on avait en 68. Pour ça que moi, je fais pas de pronostic. Je pense qu'il y a des conditions explosives, encore plus importantes qu'en 68. Est-ce que ça va péter au niveau national? J'en sais rien. Mais déjà, au niveau de certaines branches, c'est hyper important ce qui se passe au niveau des blocages, des camions, etc. Alors, on peut reprendre le micro, parce que Radio Debout, et ça c'est quand même sacrément cool. On remercie les techniciens de Radio Debout parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Et donc on est toujours avec Alain Krivine. Et donc Marc, tu veux poser une question? Juste pour rebondir un petit peu là sur ce que vous venez de dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi une intoxication depuis des années sur le fait qu'il n'y a pas d'autre solution? Il faut ouvrir les marchés, il faut libéraliser, il faut... Enfin, oui, tout ce discours énorme qui est en place depuis des années. Je crois que c'est lié justement à des trucs que je n'ai pas encore dit, parce que bon, on n'a pas le temps, mais même le mouvement ouvrier, qui apparaissait un peu comme une alternative en 68, apparaît plus du tout comme une alternative. La gauche est complètement discréditée, le PC en tête. Bon, je ne rentre pas dans les détails, les Verts, le PC, le PS, tout ça est en crise. De ce côté-là, il n'y a pas d'alternative crédible à ce que fait la droite. La seule alternative, c'est l'extrême droite, qui aujourd'hui a changé de visage par rapport à 68 et essaye de plus apparaître comme fasciste, mais apparaît comme nationaliste et avec des côtés anticapitalistes qui n'existaient pas. Ils se mettent à défendre, quoi qu'on ne les entend pas tellement pendant la grève, mais plus un côté anti-immigré, mais ça, il faut reconnaître que c'est populaire. Moi, je vois à Saint-Denis, hein, on discute y compris avec des Noirs ou des Maghrébins, ils te disent « Moi, je ne suis pas raciste, mais pas les Roms ». Ça, c'est des trucs qu'on entend ici à Saint-Denis. Donc, il faut faire très gaffe à ça. Et comme tu n'as plus de mouvement ouvrier alternatif, tu n'as plus un PC aussi fort qu'en 68, tu n'as plus une CGT, même si elle reste encore très forte, aussi forte qu'en 68, l'extrême-gauche n'est pas crédible, elle est divisée et pas crédible. Du coup, les gens sont paumés, il y a un désarroi total qui se ressent au niveau des grèves, au niveau des manifs, et qui pose un vrai problème. Si l'extrême droite pique pique les notions d'anticapitalisme et tout, de la gauche, de l'extrême gauche. Comment on fait ? C'est quand même gravissime, quelque part. Moi, je crois que, justement, il faut qu'il y ait une extrême gauche anti-institutionnelle. Moi, le gros reproche que je fais à Mélenchon, même si je pense qu'il est à la gauche du PC, mais sur une série de problèmes, il est resté institutionnel, électoraliste, chauviniste, nationaliste. Et ça, c'est faire le... Qu'il le veuille ou non, je ne tire pas le trait d'égalité, mais ça ne permet pas de combattre Le Pen. Donc il faut que nous, on soit aussi anti-institutionnel et institutionnaliste que les Le Pen, mais avec des critères de gauche radicale anticapitaliste. Je voulais justement revenir un peu sur cet aspect-là, puisque dans le mouvement Nuit Debout et dans tous les mouvements aujourd'hui, il y a vraiment une question sur quelle démocratie aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut comme démocratie. La démocratie n'est plus réelle, effective. Et vous-même, vous avez participé à deux reprises aux élections présidentielles. Donc vous avez participé à cette institution de l'élection. Aujourd'hui, le mouvement Nuit Debout questionne énormément l'élection, met en avant le vote blanc, la reconnaissance du vote blanc. En même temps, j'ai repéré que vous aviez vous-même écrit aussi un livre qui s'appelait sur la farce électorale. Si vous pouvez nous en dire quelques mots. En fait, comment vous appréhendez ce mouvement qui a envie de travailler horizontalement, mais qui a en même temps une problématique sur la question de coordination, de leader, de... Voilà. Mais c'est la faiblesse. Moi, je crois à la fois que Nuit Debout, il faut y être absolument, c'est intéressant, parce que ça touche de nouvelles couches très, très particulières, d'ailleurs. C'est des jeunes, c'est des précaires, c'est des étudiants. Mais regardez à Saint-Denis, le mouvement ouvrier n'est pas là. Et c'est un bastion communiste depuis les années 25. Hein. C'est un bastion communiste, le PC n'est quasiment pas là. La classe ouvrière n'est quasiment pas là. Les immigrés sont quasiment pas là. Et Nuit Debout, la première nuit... Ah, ici, il y a quand même... Oui, mais il n'y a pas des masses. Nuit Debout, la première nuit, on était 500. Et aujourd'hui, 600 oui, 600 bah, 700, même 600-700, il y avait du monde. Mais ça baisse de jour en jour, de semaine en semaine. Et aujourd'hui, on était à tout casser une centaine. Donc c'est un vrai problème et c'est très typé. Alors moi, autant je pense que c'est de nouvelles formes de lutte qui posent des vrais problèmes, il faut être en plein dedans. Mais en même temps, je vous dis la vérité, je ne crois pas que ça viendra de là. En Espagne, en Grèce, ça a regroupé des dizaines de milliers de gens. Ça a donné des solutions politiques foireuses, à mon avis, soit de gens qui s'intégraient au système, soit des gens qui étaient en dehors. Moi, j'étais au Mexique au moment des zapatistes. Je sais que les zapatistes ont occupé la rue, ont occupé le gouvernement, et ensuite, le gouvernement s'en foutait royalement parce qu'ils sont barrés du Parlement et ils ont été se réfugier dans leur zone. Donc la faiblesse de l'occupation des places aujourd'hui, autant c'est positif, autant j'y crois pas en termes de perspective. Parce qu'on ne peut pas rejeter les perspectives politiques, centrales, gouvernementales, même si les partis ont trahi, on ne peut pas rejeter ça. Et un mot sur les élections, alors Les élections, c'est pareil. Moi, je crois que rien ne vient des élections, que c'est du pipeau, que l'essentiel, ça vient des mobilisations de masse, mais que certaines élections, comme la présidentielle, on est obligé d'y être. Non pas pour faire croire que c'est comme Mélenchon, que c'est par les élections qu'on va gagner, ça c'est du pipeau, mais utiliser la présidentielle pour l'écho de masse qu'on peut avoir, la télé, la radio, et développer une campagne anti-électoraliste de soutien au mouvement de masse, d'être des porte-parole du mouvement de masse, mais d'utiliser... Pour ça, c'est pas contradictoire d'aller à la présidentielle et en même temps d'être anti-électoraliste. D'accord, je comprends mieux. On va arriver à la fin de cette interview. Il y a la chorale qui trépigne de terminer l'antenne. Merci beaucoup Alain Krivine, merci beaucoup. Ok, à bientôt, bon courage. On peut peut-être préciser que c'était l'équipe de Fréquence Paris Pluriel, cette très chouette radio associative qui existe depuis 1992, qui émettait sur les ondes de Radio Debout ce soir en direct de Saint-Denis. Et on va enchaîner avec une très chouette chorale. Merci Mathilde. Que vous entendez là en ce moment, qui chante du Renault en plus, ça c'est cool. Et ben on va les faire venir petit à petit, il faut qu'ils se rapprochent, dit-on. Et ben rapprochez-vous, braves gens, il suffit pas de chanter loin, maintenant il va falloir chanter dans un micro. Alors vous le savez, c'est un peu la tradition à Radio Debout, c'est de finir les émissions par un petit peu de musique. Donc tout à l'heure on a eu des guitares, et là maintenant on va avoir une chorale et les guitares qui vont enchaîner. Ce sont les mêmes guitaristes, les mêmes instrumentistes d'ailleurs que tout à l'heure, et on les remercie infiniment hein, de jouer sur l'antenne de Radio Debout et de nous offrir un peu de musique en live, ça c'est super cool. Alors, je vais vous prendre un petit peu de son d'ambiance. Voilà, donc la chorale se... Hop, la chorale se rapproche de vous et vous allez bientôt entendre un petit peu de musique en live. Alors voilà, c'est Radio Debout, c'est toujours un petit peu à l'arrache. Il y a des fils qui se croisent, mais c'est bien, c'est ça qu'on aime. Et alors, j'aimerais déjà que vous nous disiez bonsoir. 1, 2, 3. Bonsoir. J'entends pas. C'est un peu mou tout ça, j'espère qu'ils vont chanter un peu plus fort tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce que vous allez nous chanter d'abord? Tu rappelles ce que tu veux. On va commencer par le deuxième. Atman. Atman. Vas-y, viens. Il y a une chaise. Assieds-toi. Tiens, ici, Atman, regarde, t'as une chaise. C'est parti. Il est où, là? Qu'est-ce qu'on a? C'est là, quoi. تفسودك ورديت لنا حجبان أجبلي سلتي بورا سيكش من دي حلول نجمحت تسرق وتفسودك ورديت لنا حجبان ماذا قجمورا انت السفتي دقنا قيري دليان ملال اندك واذ وخامت ما شاهوت تسلم ماذا قجمورا انت السفتي دقنا قيري دليان مال عندك واد وخامي ثم عشاه وتتسلم يا لا لا لا لا لا عندك واد وخامي القلبي تدور زاب بين وبر C'était donc la fin de cette session sur Radio Debout. Qu'est-ce qu'on avait, Pierre, au programme? Voilà, on était donc le 86 mars, il paraît aujourd'hui, puisque le mouvement Nuit Debout continue. D'autres voudraient croire qu'on était le 25 mai. Mais c'est moins rigolo. Alors ce soir, on était... Bah, écoute, Clarisse, tu étais notre hôte ce soir. On était à Saint-Denis pour une version nomade de Radio Debout. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur... Bah, sur ce qui s'est passé ce soir, mais aussi sur ce qui se passe depuis 6 semaines maintenant à Saint-Denis, avant qu'on se quitte. Et voilà, donc aujourd'hui, Radio Debout était là pour la 6e session de Nuit Debout Saint-Denis. Et tout plein de gens ont parlé à l'antenne qui sont impliqués donc depuis 6 semaines, voire plus, à Saint-Denis sur la mobilisation contre la loi travail et son monde plus généralement. Et voilà, je pense que vous avez eu un bon aperçu de ce que c'était à Saint-Denis, l'ambiance du moment. Et bien voilà, nous on se retrouve le 87 mars, c'est-à-dire demain. Cette fois-ci, on regagnera nos quartiers, Place de la République, à Paris avec toute l'équipe de Fréquence Paris Pluriel. Clarisse, toi, on te retrouvera sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel 106.3. Je crois que c'est un lundi par mois pour l'émission Bruit de couloir. Langue de Fronde. Et puis, on va se dire bonne nuit debout et à demain pour la suite de nos aventures radiophoniques. Merci. Au revoir tout le monde. Salut. Radio.